C'est fou. 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. François André vient de nous jaser de politique dans son segment Adoré Logocratie 101. On vous dira comment mieux vivre votre vie dans la chronique les instructions d'assemblage et on ouvrira très grand la bouche pour terminer la semaine avec la bouffe et la malbouffe de la semaine. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 17 avril 2014. Mes phrases sonnent pas mal mieux à la fin de l'émission du jour d'avant que le jour même quand je l'ai lu le matin parce qu'il est beaucoup trop tôt et je m'appelle Mathieu Plante. Il sonne mieux. Meilleur, tu vois, que meilleur que le matin. Mais mieux. C'était-tu mieux, tu voulais c'est dire? Mieux, je voulais dire, moi, tu vois. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Ouais. Donc, bonjour, bienvenue à toi, Steph. Bienvenue, Mathieu. Merci de m'accueillir ce matin. Ça me fait plaisir. Exercice de bouche, toujours de rigueur le matin. Surtout se tirer les joues. Hein? Voilà, c'est fait. C'est beau, des hein? Des beaux bruits de radio. C'est de la bonne radio. Aujourd'hui, l'émission, on a François Landry à 8h30 avec sa chronique Logocratie 101. Comme toujours, on parle de politique avec lui. Ça va être bien intéressant, c'est à 8h30. La bouffe de la semaine est à 9h, comme toujours. Oui, j'imagine. Des fois, 9h05. Genre, ça dépend des semaines. Évidemment, tu nous as préparé une bouffe santé et moi, une bouffe un petit peu moins santé. Ben écoute... C'est limite pas ta santé ce matin. Borderline! C'est, je te dirais, dans le milieu, le plus santé de quelque chose que, en théorie, c'est peut-être pas... Tu verras. C'est meilleur. C'est meilleur. Le mélange entre meilleur et mieux, ouais. Donc ça va être à 9h. D'ici là, on a les instructions d'assemblage à 8h. Et on va débuter avec le bloc pub dans quelques instants. Good! Yeah. Ça me convient. Ça va être bon. Une bonne émission, ça. Si ça m'avait pas convenu, est-ce que t'aurais adapté ton contenu à mon humeur? Ou... Je sais pas, j'ai rien d'autre que ça. Ça veut dire non? Non, on aurait pu manger tout de suite de la malbouffe. Dès le départ, puis tout le long de l'émission. Il n'y en a pas de problème. Wow, pendant 2 heures. OK, oui. Donc, on débute avec une nouvelle entrée du palmarès anglophone. C'est par Sleeper Agent. Leur album s'appelle About Last Night. Voici Be Brave. Je te le dis tout de suite, c'est bon. Ah oui? Qui a découvert ça? Je le sais pas. Stéphanie Paradis. Ah, ah, ah. Lost me when you said I've been Sleeper Agent, Be Brave à Assemblage Rocky, nouvelle entrée du palmarès anglophone que vous allez réentendre cet après-midi, jeudi, entre 15h et 18h. Ok, oui. Oh, t'as derrière t'en. C'était full catchy, hein? Mais, hein, tu sais, Sleeper Agent, là. Ouais. Un agent somnifère, quelque chose qui t'endort des fois, ça pourrait être de regarder la télé. Oui. Ouais. Ou moi, mettons... pour vrai, là, dormir sur la télé, plus, tu sais, quand il est comme 1h du matin, là, mon chum regarde la télé. Dormir sur Canal D, là. Mais ça. Hein. Sauf que là, à un moment donné, une fois par genre 15 minutes, t'as une grosse pub qui te crie d'en face. Venez au beau marché. Oui, papa. Tout le monde aime le Greenland. Je préfère le goût de Burger King. Ouh, papi, papi, I kiss you! 4,99$ la minute, pas d'autre. Ah, c'est quand les pubs te crient dans la face de ma mère. Ah, pour Jojo, je pense que je me réveille. D'accord. Donc, c'est le bloc pub où on vous présente quelques idées de marketing de partout dans le monde, que ce soit à télé, radio, journaux, panneaux publicitaires sur le bord des autoroutes, abribus, etc. Donc, tout y est. Et aujourd'hui, on a quand même une bonne grosse thématique. Dans quelques instants, vous allez voir de quoi on parle, de quoi il en revient, mais on va se pogner le paquet pas mal. Commençons par contre par des voitures. C'est des conducteurs de mini. C'est des voitures mini. Mini, mini, mini, mini, mini. Donc, c'est une série... une série de publicités vidéo web par Butler, Shinster & Partners et Tool of North America qui nous présente la BMW Mini Cooper Hard Top. La cliente et l'agent, le client, oui, et l'agence ont demandé à des vrais propriétaires de BMW Mini de penser à des idées créatives pour faire des test drives, un peu comme des tests de conduite, si on veut, pour montrer leur véhicule. Et après avoir reçu 800 soumissions, ils ont produit 10 vidéos. Et donc, c'est comme un équilibre, un juste milieu entre le contenu généré par les utilisateurs et la publicité traditionnelle. Parce que d'habitude, quand une agence publicitaire ou une compagnie demande au public de faire de la pub pour eux, ben c'est de la publicité gratuite, puis ils n'ont pas besoin de payer pour. Ça donne un meilleur résultat souvent que quand tu payes pour du produit, tu sais, du marketing. Ouais, parce que d'habitude, ouais, quand tu payes pour, c'est pas très, très bon. Donc, c'est entre 1 et 2 minutes chaque, ces publicités-là, et ça met en vedette les gens qui ont eux-mêmes proposé les concepts à la compagnie. Ah, ouais. Donc, on va en regarder quelques-unes si ça t'intéresse. La première, met en vedette quelqu'un qui s'en va chercher du café au coin de la rue. C'est donc le mini final test. Through a final test. Ça, je pense, c'est la publicité pour plus généraliste. Donc, ils ont donné la clé de la voiture à 10 personnes, donc parmi les 800 soumissions, et ils leur ont permis de faire ce qu'ils voulaient et de se filmer en le faisant. Donc, ici, c'est la publicité généraliste où on voit chacune des personnes le faire. Ah, un peu comme une introduction. Ah, c'est bien. Donc, testé par les propriétaires, approuvé par les propriétaires, la nouvelle Mini, la nouvelle originale. Regardez les 10 test drives sur miniFTTD.com. Voilà. Et pour une fois, c'est vrai, c'est vraiment approuvé par l'utilisateur. Exactement. Et vraiment, c'est l'utilisateur, un vrai utilisateur. Il a son mot à dire. C'est pas comme, tu sais, des annonces fake, là, où t'es dans une auto où il y a plein de trucs qui puent. Oui. Là, soudainement, ils te mettent un parfum, puis... Ah, oh, ça sent la fraîcheur. Oh mon Dieu, il y avait une vieille pizza. Et là, en bas de l'écran, c'est marqué genre les acteurs ont été payés pour cette publicité. Ah, je sais pas. Ouais. La première mini final test de test drive. Donc, c'est celle dont je vous ai parlé tantôt avec le café. C'est Adrian Ray. Et le coffee cup coefficient. Donc, elle arrive en voiture dans sa mini en faisant un petit demi-tour sur elle-même. Elle débarque de la voiture, arrive au petit café du coin. C'est un gars dans son petit genre de cart, là, si on veut. Non, je pense que c'est une fille. C'est ce que j'ai dit, elle arrive. J'ai juste dit ça. Ah, c'était un gars dans son cart. OK. Oui, le gars dans le cart de café. Parce que moi, juste les jambes, j'étais pas sûr. D'accord, non, mais j'avoue. Mais non, dans le cart de café, le gars qui vend du café. Donc, elle prend son double cappuccino. Il a l'air bon. En effet, il y a un petit cœur dessus de dessiner avec dans la crème, dans la mousse, si on veut. Donc, bref, on met ça dans le soutien, le porte-verre. Et là, la voiture démarre. Et là, elle se met à faire des beignes, genre des tours sur elle-même dans la rue, sans cesse. Et on voit que le café ne renverse pas. Oh. Elle fait des tours. Et justement, c'est que chacune des 10 publicités montre des choses, des caractéristiques importantes de la voiture. Là, elle vient de passer en mode sport. Elle continue de faire des beignes dans la rue. Et à un moment donné, elle fait tellement des gros beignes que le café renverse, mais juste un tout petit peu. Un minimum. Mais elle est assez intense. Oui. Est-ce que c'est vraiment elle qui conduit? Ah, ça ne dit pas. Si c'était un professionnel, ça serait écrit en bas de l'écran « Closed course professional ». Donc, je suis Adrian Ray et c'était mon test de conduite. Mini Twin Power Turbo Engine, mode de sport et G-Force qui peut renverser le café si tu vas trop loin. Mais pour vrai, si c'est elle qui conduisait, elle était vraiment hot. Oui, elle est très bonne. En tout cas, moi j'ose croire que c'est elle parce que sinon, je pense que légalement, il n'y aurait pas eu le choix de me mettre un petit message en bas. Ben, thumbs up. Thumbs up, bravo, bravo. Donc, 10 vidéos qui sont sur assemblagerequis.com, aussi sur le micro-site dont j'ai mentionné l'adresse tantôt, miniusa.com, dans la section FTTD. Voilà. Ensuite, j'aime vraiment ça. C'est sûr, je vais aller écouter les autres. Très bonne idée. Il y en a 9 autres. Là, j'aimerais bien toutes les jouer, mais bon. Ensuite, là, on embarque sur le petit bloc sur le cancer. C'est la mode en ce moment. De parler contre le cancer, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a un mois du cancer de quelque chose en ce moment, mais on dirait que tout le monde s'est donné le mot pour partir des publicités là-dessus. La plupart des œuvres de bienfaisance côté cancer veulent vous montrer comment c'est facile de vérifier si tu as des petites bosses là, dans tes endroits, comme mettons pour le cancer des testicules. C'est Testicular Cancer Canada. C'est une vidéo d'un gars qui se teste. Oui, mais on ne le voit pas se tester. Malheureusement pour toi, on ne voit pas son entre-gens, son sac à patates. Donc, BBDO Toronto et la compagnie de production Crush ont fait un petit party, un petit rassemblement, une petite fête où 20 jeunes hommes recevaient le défi de se faire cirer complètement le sac testiculaire pendant que leur réaction était évidemment filmée par des caméras. Donc, les résultats sont évidemment ce à quoi on s'attend, la face rouge, les contorsions faciales. Donc, est-ce que c'est une bonne idée d'associer la douleur extrême avec le cancer des testicules? Ben justement, l'idée, c'est de vous montrer que si vous vous faites épiler ça ou mettre de la cire, ça va être plus facile de peut-être voir les bosses. Et si vous avez un cancer testiculaire, peut-être que vous n'aurez pas le choix de vous les faire. J'imagine que c'est ce qu'ils veulent dire. Ça a l'air douloureux. Faire... Donc, on va écouter, mais en même temps, il n'y a rien à dire vraiment à la radio. Là. Donc, en mars dernier, voilà, Vegas se sont fait cirer sous la ceinture pour aider à sauver leur noisette. Voilà. Donc, on voit les gars se coucher sur une surface blanche, là, j'imagine un drap. Les gars sont souriants, aiment ça être là, sont contents. Mm-hmm. Des petits sourires, oui. Beaucoup trop longtemps, je trouve, d'ailleurs. De l'attitude. De l'attitude en masse. Bon, et là, après ça, les faces commencent dans la prochaine scène, à peu près au tiers de la publicité, où ça fait « Non, non, non, s'il vous plaît, arrêtez, non, non, non, non! » L'autre gars se fait verser du vin dans la bouche directement. Et là, les « Ow! » commencent sur cette chanson magistrale que toutes les publicités du monde utilisent. Ouais, hein? C'est « In the Hall of the Mountain King » par Edvard Grieg. Grieg. Et ça a l'air de faire mal, et on a compris le principe. Je sais pas, t'sais, sûrement que la raison, ben c'est ça. C'est, à la fin, ça dit, il y a une phrase à toute fin de la publicité qui dit genre... ça sent bien. Au, au. Je veux dire la phrase correctement, oui. Allez. Bon, exposez vos noisettes pour pouvoir les vérifier régulièrement. C'est ce que ça nous dit. Voilà. Pour savoir comment, testicularcancercanada.ca. C'est pas intense de se cirer. Se cirer là, avec parmi les... Oui, je suis pas sûr de ça. En tout cas. Cirer peut-être pas. Couper, raser peut-être, mais pas non. Il me semble que cirer, en tout cas, il y a des places qui ne devraient pas être cirées. Voilà, comme on dit. Ensuite, les policiers, justement, sont pas là pour vérifier vos noisettes, eux non plus. Donc, non? Il faut le faire soi-même. Non, c'est ce qu'on nous dit dans la prochaine publicité, en fait. Dommage. Dommage. Donc, c'est un sujet délicat, évidemment, le cancer testiculaire. Mais c'est la même place, la même corporation, peut-être pas corporation, mais disons entité, Testicular Cancer Canada, qui nous montre ça. Il y a aussi un garagiste. Donc, ça nous dit que les deux ne sont pas là pour le faire pour nous. Donc, on devrait le faire nous-mêmes. Alors, écoutons la première version, celle avec la police. Vous allez voir qu'il y a un énorme malaise. Moi, je trouve que un peu comme ça qu'on vient de voir juste avant avec la musique très épique. Il y a des longueurs. C'est un 45 secondes. Donc, le policier arrive à la voiture du monsieur. Vous avez une lumière qui ne fonctionne pas. Montrez-moi votre permis. Vos papiers. Vos papiers, exactement. Et ensuite, vos testicules. Et puis, il met sa main directement dans le pantalon. Et le gars fait comme, c'est normal. Il n'y a rien là. J'espère que je vais passer le test. Et là que c'est long. Personne ne fait rien. Un regarde l'autre, mal à l'aise. L'autre regarde l'autre, mal à l'aise. Regarde ailleurs. Mal à l'aise. C'est pas fini encore, là, tu sais. Il se regarde une dernière fois. OK. Make sure you get that taillight fixed. Assurez-vous de faire réparer votre lumière. Il s'en va. Et là, personne ne va les vérifier pour vous. Apprenez comment. Connaissez les signes sur testicularcancercanada.ca. Encore une fois. Hein? C'est quand même bien, par contre, qu'il y ait des publicités pour le cancer des testicules. On parle juste du cancer du sein, cancer du sein, cancer du sein. Mais il y a d'autres cancers aussi à surveiller qu'on peut surveiller nous-mêmes. Et si je me rappelle bien la statistique, il me semble que c'est plus mortel le cancer testiculaire que le cancer du sein. Il y a plus de personnes qui survivent au cancer du sein. Ça, ce que ça je sais pas. Mais j'imagine que c'est la même chose. Tu peux sûrement te faire l'ablation du testicule. Ouais. c'est juste moins pratique. un sein, c'est pas si grave que ça. C'est plus dur pour la féminité, mais... C'est pas les seins qui produisent les hormones. C'est ça, exactement. Donc, c'est l'agence canadienne Grip Limited qui a produit ça pro bono, ces publicités-là. Donc, c'était du gratuit pour l'œuvre de bienfaisance. Pas de prix derrière ça. Celle-là, je ne vous la montrerai pas parce que ça ne sert pas à grand-chose, là, même que vraiment, celle-là serait plutôt déplacée à essayer d'expliquer. C'est donc Chatroulette. Tu savais que ça existe toujours? Le quoi? Chatroulette. Ça existe toujours? Le service Je sais pas c'est quoi. C'est un service de chat vidéo où tu appuies sur un bouton pour passer à la prochaine personne et il y a tout plein de gens, dans le fond, t'es comme au hasard avec quelqu'un d'autre. C'est un peu comme du speed dating. C'est genre du speed dating. Et quand tu cliques, ben souvent, le gars est en train de se toucher. D'accord. En attendant qu'il y ait une fille qui se présente sur le hasard total du bouton de chatroulette. Voilà. Donc, l'agence publicitaire espagnole VCCP nous rappelle que ça existe toujours, Chatroulette. Et c'est une petite vidéo qui montre une femme en train de parler avec des gars à la vidéo. Donc, des gars qui sont prêts à se révéler sur leur webcam. Donc, ils sont en train de montrer leur entre-gens. Et la femme encourage les gars à se toucher vers la fin du vidéo. Tout ça de façon tout à fait sexy. Genre, oh, t'sais, touche-toi, touche-toi. Et quand les choses commencent à être un petit peu, disons, chaudes, hein, ben, un message est livré via une pancarte qui s'affiche. Dans le fond, la fille tient sa pancarte dans la main et montre ça aux gars. Et ça dit, si tu montres tes parties intimes à des millions de personnes, pourquoi est-ce que tu ne les montrerais pas à ton docteur, à ton médecin? Donc, l'agence a choisi Chatroulette parce que, selon Rocio Nogueiroles, le président de AAA Cancer, le cancer testiculaire est la deuxième forme de cancer la plus commune parmi les hommes entre 15 et 45 ans. Et 95% des cas qui sont détectés à temps peuvent être, dans le fond, guéris sans aucun problème. Donc, voilà. Cancer des testiculos. Sur assemblagerequis.com. C'est moi où la publicité est très explicite. Ben, c'est ça, c'est pour ça que je la racontais pas en détail. Ouais. Tu sais, il y a des petits pixels qui ne cachent absolument rien. Non. C'est juste flouté un minimum, là. C'est complètement ridicule. Ouais. Mais j'aime bien l'idée. Oui, l'idée est très, très bonne. Ensuite, on arrête avec le cancer des testicules et on parle d'une publicité dans un journal. Vous avez peut-être vu ça passer, mais je vous en parle plus en détail pour savoir qui l'a créé. C'est donc des publicités originales dans les journaux. Disons que c'est difficile, c'est rare. Difficile à trouver. En voici une intéressante de la Colombie. C'est une publicité pour des cuisines qui sont cachées à l'intérieur de fausses pages d'annonces classées dans des journaux. Donc, grâce à un effet 3D qui est appliqué au texte. Et là, ça dit, je cite, « La cuisine que vous imaginez est celle de Hyper Central Corona. » Donc, est-ce que c'est trop subtil? Est-ce que c'est un concept trop dur à comprendre pour les gens qui vont lire le journal? Parce que c'est un vrai journal. Donc, évidemment, tu lis dans le journal, tu as une page d'annonces classées et la page elle-même au complet est fausse. C'est de fausses annonces. Mais c'est vraiment beau. C'est super bien fait, mais il faut vraiment regarder d'un angle particulier pour voir que c'est une cuisine. Ici, on a une photo sur assemblagerequis.com et de loin, si tu m'avais pas dit que c'était une cuisine, j'aurais juste dit, ben, il y a un gouffre dans le journal, c'est pour annoncer quelque chose comme un film sur la fin du monde. Mais non, on voit parfaitement la hotte au-dessus de la cuisinière. Une fois que tu sais que c'est une cuisine, non? Je sais pas, moi, il me semble que... Je sais pas, peut-être. D'après moi, je l'aurais vu, mais justement, quand tu vois qu'il y a quelque chose de bizarre, tu portes un peu plus attention. Oui. Moi, je pense que... Tu finis par le voir, là. C'est ça. Non, j'avoue que oui. Et en bas, complètement de la page, de toute façon, il y a une grosse ligne blanche qui dit, ben, comme on l'a dit tantôt, la cuisine que vous imaginez est celle de Hyper Central Corona. Il y a le logo dans le coin. Donc, en tant que tel, les publicités ont du faux texte dedans. C'est comme sûrement des annonces un petit peu plus génériques. Et en bas, tu as une grosse barre blanche. Voilà. C'est cool quand même. Ensuite, il y a un designer qui a créé un CV avec les ingrédients parfaits pour ensuite qu'on puisse manger son CV parce qu'il a livré des biscuits. D'accord. Ah, ça, c'est têteux. C'est un petit peu têteux. Les biscuits, les bonbons, les pâtisseries, bon, déjà, des fois, les gens vont amener ça au travail, vont partager ça avec leurs collègues. Mais si Crystal Nunn, à la place de partager ça avec ses collègues, a partagé ça avec les gens avec qui elle espérait travailler plus tard. Elle voulait une position de designer junior chez We Are Social à Londres au mois d'août dernier. Donc, elle est une grande cuisinière. Elle a préféré faire des biscuits utilisant les ingrédients de la compagnie Beyond Dark Chocolate, une marque qui a été fondée par le directeur créatif de We Are Social, la compagnie pour laquelle elle appliquait. Donc, c'est ça la twist, c'est qu'elle a choisi les ingrédients du monsieur qui travaille là, donc James Nestor. Elle a construit donc une boîte spéciale nommée avec l'étiquette Beyond Ideas, au-delà des idées, qui est un peu genre le slogan de la compagnie. Elle a attaché un lecteur USB, un petit lecteur flash avec son CV et son portfolio à l'intérieur. Elle a livré le paquet à la main dans un emballage brun et avec le mot urgent dessus. Et en dedans d'une heure, We Are Social a contacté Nunn pour avoir une entrevue. Elle a eu l'emploi et Beyond Dark, la compagnie des ingrédients de chocolat, là, lui a envoyé des chocolats par après. Ah, oh, c'est cool! C'est cool. Ont-tu l'air bon en plus, les biscuits? Mais hein. Et ce que la fille dit, c'est que la bonne chose avec les biscuits, c'est qu'ils sont périssables. Donc, les gens doivent les gérer immédiatement. T'as pas le choix de soit les manger, soit les jeter. Donc, au moins, y toucher. Ah, oh, tellement! Ah, j'aime bonne ça, idée. J'aime ça. De toute façon, c'est des biscuits, qui aime pas ça? Voilà, qui n'aime pas ça? Maintenant, Adidas a mis 6 caméras à l'intérieur de ses ballons de soccer, en fait, d'un ballon de soccer spécial, et l'a envoyé en voyage partout autour du monde. Adidas aimerait vous présenter donc le ballon espion, si on veut, de la Coupe du Monde 2014. La marque, avec l'aide de TBWA, une agence de publicité, a mis donc 6 caméras à l'intérieur d'une version spéciale de leur ballon officiel du tournoi de la Coupe du Monde, et envoyé ça va l'envoyer en tournée mondiale à Londres, Munich et Madrid, filmant donc avec les caméras à l'intérieur du ballon. Ils vont sortir des épisodes vidéo qui vont mener vers les parties qui vont avoir lieu au Brésil. Donc comme ça, on peut vraiment apprécier ce que c'est de côtoyer des joueurs de soccer ou football comme Xavi Hernandez et Bastian Schweinsteiger. Et ensuite, aller regarder te botter en plein dans la face parce que ouais. Le ballon contient les caméras. Donc, il s'appelle le Brazuca, qui est un jeu de mots en fait. Brazuca, la caméra s'appelle Brazucam. Et le nom du ballon, c'est Brazuca, qui est un mot qui fait référence à la fierté nationale du Brésil et aux expatriés brésiliens. Donc, on peut suivre Brazuca sur Twitter, @Brazuca. Toujours intéressant de donner un petit compte de médias sociaux à des objets inanimés. Ça donne toujours des situations, des fois, cocasses. Je vous montre pas vraiment la vidéo à la radio parce que c'est vraiment juste finalement des images. Mais c'est un peu fake parce qu'à un moment donné, les joueurs de soccer... Ils voient comme la caméra dans le ballon, puis ils font comme... Ils font des faces... Oui, oui. Pas coaché du tout, ça? Aucun coaching. Non, c'est ça, bien entendu. Ensuite, celui-là, c'est une publicité sur un panneau publicitaire. Donc, c'est des lapins qui annoncent de la pizza. Hein, pour ouais, c'est ça. C'est le restaurant Hell Pizza en Nouvelle-Zélande qui attire l'attention depuis quelques jours avec un nouveau panneau publicitaire mettant en vedette sa pizza au lapin. Et le panneau extérieur est fabriqué à partir de plusieurs centaines de peaux de lapins. Et ça dit vraiment sur la publicité « Made from real ». Est-ce que c'est des vrais pots? C'est marqué « Made from real rabbit like this billboard ». Donc, c'est vraiment des vrais pots de lapins. La différence, tu me diras, bon, ils ont tué des lapins pour faire un panneau publicitaire. C'est ce que tu t'aurais, j'imagine, pensé. Peut-être. Ben, y es-tu pour faire la pizza? Ben, y est-tu pour faire la pizza aussi, en effet. Justement, il faut expliquer un petit peu la chose différente en Nouvelle-Zélande, c'est qu'ils ont une surabondance. Donc là, quand t'as une abondance, c'est beaucoup, puis t'as une surabondance, c'est comme une ambition. Donc, de lapins, ce qui fait que ça va défaire la moisson, le système, l'écosystème de la région, tout ça. Donc, il y a trop de lapins, ça vient nuire vraiment à pas mal de choses. Donc, ils nous disent, je cite, « En plus d'être une viande délicieuse et même plutôt mignonne, les lapins sont malheureusement en train d'endommager l'environnement de la Nouvelle-Zélande, particulièrement dans le South Island. » Donc, c'est ce qu'ils disent sur leur page Facebook. Pour ceux que ça dérangerait, nous avons trouvé ces peaux de lapin via une compagnie de professionnels animaliers, le Tanning Company. Tanning, ça, c'est ceux qui prennent la peau et font des choses avec, il me semble. Ben, c'est ceux qui vont tanner la peau. Là. Tanner, voilà, c'est le mot que je cherchais. qui, eux, donc c'est ça, ont pris ça de compagnies qui font de la viande. Donc, c'est comme ça qu'ils ont trouvé leur peau de lapin. La pizza, elle, est faite de lapins de la Nouvelle-Zélande. Smoked Wild New Zealand Rabbit. Toasted Pine Nuts, ça, c'est des noix de pain. Comment on dit ça? Pine Nuts. Pine nuts, c'est ça. De pain, bon. C'est comme des peanuts fancy. Pine nuts. Beetroot, ça doit être des bêtes. Beetroot, ça c'est un joueur de baseball. Beetroot. Ah, ok. De la relish arropito, du fromage à la crème, du romarin et des oignons. Donc ça c'est les ingrédients de leur pizza au lapin. Voilà. Nous aussi, il y a du lapin en masse en épicerie, là. Peut-être pas près à la même place. Hein. En masse, ben là, pas tant. Non, il y en a pas mal. Il y en a pas une tonne. Il y en a. Bon, on s'entend que c'est pas la même popularité que bœuf, poulet. Non, c'est ça. C'est dans le plus fancy, dans le petit coin des viandes d'autres animaux. Ensuite, on revient à de la viande un petit peu plus commune. Hein? C'est PFK. C'est sûr, c'est de la viande? C'est ce qu'ils disent. Est-ce que tu as vu le corsage au poulet? Ben non. Non. Donc, PFK encourage les gens à mettre du poulet sur leur poignet avant de partir pour leur grand bal de finissant. On peut en commander un. En fait, on pouvait en commander un pour 20$, limite de 100, par contre, pour avoir un beau corsage pour votre bien-aimé et une carte cadeau de 5$ pour aller acheter vous-même votre propre poulet. Donc, t'achetais le corsage et le poulet venait pas avec. Là. Fait que tu l'achetais avec la carte cadeau de 5$ chez PFK. Donc, le poulet, c'est ça, pas inclus. Chaque corsage avait la carte cadeau, un chèque cadeau qu'on dit, on pouvait personnaliser le corsage avec le poulet recette originale, extra croustillant ou Kentucky Grilled Chicken, donc pour aller avec la robe, j'imagine. Et la publicité, ben, c'est ça, c'est bien simple, il est vraiment nul la publicité pour vrai. Le gars vient chercher la fille pour le bal, il y a des longueurs et des malaises avec ses parents jusqu'à temps que la fille descende en bas. Le gars sort de sa boîte, le corsage au poulet, ils s'en vont danser au bal puis elle prend une croquette de poulet. Je veux dire, c'est super plate comme pub. Ben, je trouve ça de mauvais goût. Ben, ouais. Ben, et ça donne mal au cœur pour le reste de la fin de semaine aussi. Là. C'est du PFK quand même. Donc, non, je suis pas convaincu de celle-là, mais je trouvais l'idée drôle. Et apparemment, c'est tout à fait vrai, parce qu'il y a des gens qui y croyaient pas trop. Mais bon. Ensuite, Microsoft qui crée un jeu amusant pour nous aider à nous débarrasser de Windows XP. Vous savez, Windows XP, il n'y a plus de soutien technique et de mise à jour de disponible depuis quelques jours. Oh. Ah, triste. Donc, les millions d'utilisateurs de Windows XP qui s'accrochent au passé d'il y a genre 15 ans. Il y a un nouveau jeu pour aider à s'en débarrasser. C'est Escape from XP, un jeu vidéo style arcade où on joue un développeur qui est pris, dans le fond, qui est obligé de soutenir, supporter Windows XP et Internet Explorer 6. Donc, le gars est pris dans le passé à cause de ses clients. Donc, c'est présenté par l'agence Bradley & Montgomery. Et c'est un hommage au chef-d'œuvre de Kurt Russell, Escape from New York. Et il y a un petit gif sur assemblagerequis.com de l'aventure. Donc, pour commencer, on est confronté par notre ami Bliss. De ça, c'est les montagnes de Windows XP, le petit papier peint. Ensuite, il y a un bug d'écran bleu de la mort, évidemment, pas le choix. Hein? Ensuite, on est transporté dans un monde dystopique où on doit sauver Windows XP. Et là, dans ce genre de terrain de jeu glauque, si on veut, le développeur traverse presque un cimetière de fenêtres de Windows. C'est vraiment beau. C'est très bien fait. Des poubelles, les petits bacs à recyclage, la corbeille de Windows. Ben oui. Le logo d'Internet Explorer. Et là, il y a un gros clippy à l'arrière-plan. Tu sais, le trombone de Word. Le trombone! Qui tire du laser de ses yeux. Hein, mais non! C'est un jeu! Non, il est gentil, le trombone. Pas dans la version dark. Et finalement, donc, on sort. The dark side of the XP. Et si tu l'écoutes avec l'album de Pink Floyd, là, ça se marche parfaitement. Donc voilà, je vous raconte pas toute l'histoire parce qu'il y a des spoilers là-dedans. C'est comme Game of Thrones, je vous dirai pas ça. Allez voir sur assemblagerequis.com. Oh, wow. C'est cool. Hein? Ensuite, tiens, ça c'est quand même assez simple. C'est pour sauver les pauvres. On a décidé de mentir un petit peu aux gens. On a pris, c'est chez Publicis London, on a mis la question, tu sais, genre aider les pauvres. Les gens, quand ils voient des pauvres ou qu'ils voient de l'aide pour les pauvres, vont juste pas regarder, vont faire semblant de pas regarder. Mais bon, oui, c'est plus facile. C'est plus facile que d'affronter et de dire « Ah, je veux pas t'en donner. » Donc, ils ont fait le test contraire pour The Pillion Trust. Donc, l'agence a mis un gars avec une pancarte « Fuck the poor ». Oh. Puis les pauvres allaient se faire voir. Donc, un peu comme un homme sandwich dans une rue très occupée de Londres. Et ils ont filmé les gens en train de l'envoyer promener. Bref, après plusieurs réactions, évidemment, super intenses, dont un officier de police qui lui a dit « Ça, c'est vraiment pas correct comme phrase, donc va-t'en d'ici. » Et après avoir s'être presque battu avec un sans-abri, les organisateurs ont juste tourné la pancarte de bord pour dire « Aider les pauvres au lieu de « Fuck the poor », c'est « Help the poor ». Avec la même police, la même présentation, ils ont filmé tout le monde en train de complètement ignorer le gars. Et là, la vidéo a déjà 1,2 million de vues en 3 jours. Et là, ça a sûrement augmenté depuis la publication de l'article. Mais quand même, je trouve ça drôle de voir ça parce que, tu sais, les gens vont chialer quand tu dis « fuck the poor », mais ils vont pas plus aider les pauvres quand après ça, tu veux la pancarte de bord. Ça fait le test contraire que tu avais, mettons, un gars dans la rue qui disait « fuck the poor », et plus tard, dans la même, mettons, les gens marchent, puis tu sais, la rue est comme longue, puis ben, à l'autre coin de rue, ben, t'as un sans-abri avec peut-être une canne, je sais pas, de soupe pour avoir de l'argent. T'aurais pu compter le nombre de gens qui ont regardé le gars de Fuck the Poor et puis qui l'ont envoyé promener. Et ensuite, qui a donné? Et le pourcentage serait sûrement de genre 5%. Mais c'est sûr, on s'entend, il y a une limite entre envoyer promener des pauvres et ne pas les aider. Ouais. C'est sûr, il y a une coche entre les deux, mais ça montre quand même... C'est ironique quand même. Ouais. Malheureusement. L'idée est quand même pas pire. Parce qu'on s'entend, c'est pas toutes des gens qui ont choisi d'être là. Non. C'est ça le problème. Il y en a qui vont penser que les sans-abri, c'est juste des paresseux et tout ça, là, mais il y a souvent des situations qui les obligent à être là. Plusieurs, malheureusement. Tiens, justement, parlant de sans-abri et peut-être des fois par la bande d'alcool, parce que des fois, c'est un des problèmes qui t'envoie à la rue. Hein. Donc, un sac de papier brun. C'est exactement ça. Si à la place d'avoir un sac de papier brun, t'avais une canne de peinture avec du vin à l'intérieur. Hein? Oh. Donc, c'est en Lituanie, Mekan Vilnius, qui ont récemment remis du... ils ont pris le vin Beaujolais Nouveau de France, un vin très, très connu et populaire, dans des éditions limitées de cannes de peinture, juste pour faire un petit peu d'autopromotion. Donc, Mekan voulait montrer à ses clients qu'on est toujours en train de se réinventer, on cherche toujours une nouvelle perspective chez nous, agence publicitaire, évidemment. Donc, le concept a commencé avec une discussion sur les Beaujolais et le fait que ça tachait souvent les dents et les lèvres devenaient mauves quand tu buvais ce vin-là. Donc, la peinture, évidemment, tu choisis la même sorte de mauve dans une canne de peinture. Oh, il y a même le petit logo qui monte comme la canne avec une flèche vers la coupe et ensuite une flèche vers la dent avec la palette de couleurs. C'est fantastique, hein? C'est vraiment drôle. C'est beau, donc c'est en lithium. Mais c'est un beau violet. Oui! J'aime ça, ce violet-là. C'est ta future cuisine, ça? C'est quoi? Non. Salle de bain? Non. Et je pense que ça va être assez. Les autres sont vraiment pas super intéressants. Je les avais gardés pour la fin. Bon, c'est pas super bon. Il y a une annonce, entre autres, d'accident de voiture avec des messages textes qui apparaissent à l'écran. Puis à un moment donné, oups, la caméra ou genre, tu sais, l'accident de voiture a lieu. Puis les messages textes se bougent dans l'écran. Puis là, c'est comme moi, tu sais, le petit bonhomme, le petit émoticône, il est à terre. Ouais, un peu cliché. Un petit peu cliché, je trouve. Donc, j'en parlerai même pas. Ben, allez voir le reste sur assemblagerequis.com. Il y a plein de bonnes choses dans le bloc pub. Voilà, c'est tout pour le bloc pub. On fait ça aux deux semaines, les jeudis en début d'émission. Cool. Tout à l'heure, il nous reste encore les instructions d'assemblage aussi, François Landry. Logocratie 101, tout ça plus tard. Puis de la bouffe, hein? Bientôt, j'ai faim. C'est vrai, ça. C'est pas tant bientôt, malheureusement. C'est encore j'ai loin. J'ai faim pareil. Ouais, on commence tout de suite. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce jeudi 17 avril 2014. Il est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Merci beaucoup. Dans quelques instants, les instructions. C'est pas un compliment. Non, j'étais sûr. Pourtant, j'ai pris ça comme... Non, c'est juste comme une affirmation au hasard. C'est un reproche? Pas un reproche, au moins. Non, c'est assez neutre. OK. C'est très, très neutre. C'est gris avec des rayures blanches. Ah, merci, c'est plate, comme mon chandail. C'est ça que tu veux dire? Ah, mon Dieu, je l'avais pas vu. Quel hasard! Aïe, aïe! Mais au moins, t'as tes belles lunettes. Merci, ça vient compléter un petit peu le look. Ouais. On écoute Me and I de Unknown Color, puis on vient avec les instructions d'assemblage. Can you tell me one thing I don't know? Like the road you have taken, which way should I go? So come back or call me home. Never been. Me and I par Unknown Color à Assemblage Requis. Que c'est bon. Mais hein. Tu sais, me, toi. Toi, me, I, me and I. Pis toi. C'est juste une personne, ça. Fait que je suis capable de gérer ma vie moi-même, pas besoin de toi pour me dire quoi faire. T'es encore drôle? Ouais, c'est pas mal. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Voyons donc, ça marche jamais ces affaires, lui. À chaque semaine, il est jamais au courant, ça. C'est pas comment faire. Donc, c'est des instructions d'assemblage où on vous présente quelques façons d'améliorer votre vie un petit peu. Par exemple, si mettons vos souliers sont pas assez grands. Tu sais, donc tu cherches des magasins dans un magasin. Là, tu cherches des souliers dans un magasin, oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Et tu trouves pas la paire parfaite. Tu sais, ils sont jamais parfaits. Tu veux les étirer un petit peu. Donc, c'est la méthode par la congélation. Okay. Donc, c'est si tu as besoin de plus de place pour tes orteils ou si ton talon, tu veux l'étirer un petit peu. Donc, tu prends un sac Ziploc. Tu le remplis à peu près à moitié d'eau. OK. Tu laisses l'air sortir du sac, donc tu enlèves l'air complètement. Tu mets le sac dans l'endroit à problème de ton soulier, donc que ce soit au fond des orteils ou au talon. Tu gèles pendant la nuit dans le congélateur. Tu laisses dégeler un peu avant de l'enlever de ton soulier. Tu l'essayes apparemment que ton soulier est en meilleure forme. Et t'étire un petit peu. Ça parle pas pour quelle sorte de soulier, mais j'imagine que ça va fonctionner pour la plupart des souliers. Ben, OK, dans le fond, c'est un peu pour étirer ton soulier. C'est ça, c'est pour étirer ton soulier. Mais déjà, ça veut pas dire que la forme du sac va fitter dans la forme du soulier. Ben, ton sac, dans le fond, tu mets l'eau, faut que tu mettes tout ça au congélateur à la fin, donc j'imagine que tu mets l'eau dans la forme, t'essaies de pousser un petit peu pour la forme que tu veux, puis après ça, tu peux peut-être mettre quelque chose d'autre pour stopper Mais est-ce que tu mets ton soulier au congélateur avec l'eau? Tu mets ton soulier au congélateur avec l'eau. OK. C'est ça. Mais si c'est du cuir... Je pense pas que ça va marcher parce que du cuir, c'est quand c'est froid, ça rapetisse et quand c'est chaud, ça s'étire. Mais le cuir, je crois qu'il y a d'autres moyens quand même assez répandus pour étirer du cuir, il me semble. Donc, t'aurais peut-être pas besoin de le faire à la maison, peut-être que tu pourrais le faire par ton magasin de souliers. Ben, sûrement les autres aussi, non? Sûrement les autres aussi. Mais c'est parce que le cuir, si tu mets ça au congélateur, c'est sûr que ça va pas étirer. Là. Donc, mettez pas votre cuir au congélateur, c'est ce qu'on en retient. Comment trouver un chien perdu ensuite? Tiens, ça, c'est quand même une belle petite image qui est sur assemblagerequis.com en ce moment. La personne dit sur son image, le 12e jour que je cherchais mon chien dans un bois, je n'avais plus d'espoir. J'ai rencontré quelques chasseurs. Ils m'ont dit que lorsqu'ils perdaient un chien à la chasse, ils les retrouvaient tout le temps. Donc, ce qu'ils disent de faire, c'est de prendre un de tes vêtements qui était porté pendant au moins une journée complète. Plus tu l'as porté longtemps, mieux c'est, pour que le chien puisse sentir ton odeur. Tu amènes ce vêtement-là à un endroit où le chien a été vu la dernière fois et tu le laisses là. Donc, si le chien a peut-être une boîte ou un objet familier, un jouet, tu peux l'amener aussi. Et puis, tu peux laisser une note demandant à ce que les affaires ne soient pas tassées de là. Une note au chien revient à la maison. Reste là, puis je vais venir te chercher demain. Une note pour que les gens n'enlèvent pas les affaires de sur la route, mettons. Si, mettons, tu le bâtis à côté de la route ou sur le bord du chemin. Tu laisses un bol d'eau aussi, parce que le chien n'a sûrement pas eu accès à de l'eau. Tu n'as même pas de nourriture parce que ça va attirer les autres animaux que les chiens pourraient vouloir éviter. Tu reviens le lendemain, tu vérifies évidemment de façon intermittente si possible et espérons-le, ça se pourrait très bien que le chien t'attende à cet endroit-là parce qu'il va tout le temps revisiter les endroits où il était allé la dernière fois, les endroits qu'il connaît. Et si en plus l'odeur est là et son eau et ses jouets, il va se reconnaître, il va t'attendre là. Donc le gars dans son texte dit qu'il était sceptique, mais finalement il est retourné le 13e jour, je ne sais pas trop quoi, puis il était là. Donc, voilà. Ah ouais. Ça fonctionne. Ah, intéressant. Ça a l'air bien quand même. Ensuite, on va y aller avec une petite recette. Est-ce que tu as vu la petite recette que je t'ai mis de cinnamon roll pancakes? C'est des crêpes à la cannelle. T'as vu comment ça a l'air bon? En tout cas, moi, je trouve que ça a l'air bon. Donc, tu utilises une poêle, en tout cas quelque chose qui n'est pas collant. Tu utilises une petite spatule de métal, nous dit-on, pour tourner le tout. Mais non, commande de métal. C'est ce que ça dit. Mais oui, mais c'est pas nécessaire, là. Peut-être pas, mais si ta poêle est anti-adhésive, tu prends pas du métal là-dedans. J'avoue, OK. Ouf! Ouf! Ensuite, j'essaie de lire les trucs, c'est écrit super petit. Tu utilises une cuillère de crème glacée, environ un tiers. Hein, attends un peu. C'est vraiment écrit beaucoup trop petit. Est-ce que tu l'as en plus grand, toi? Celle-là? Non. Non? Cool. Ben, je pense que je vais aller assez fort, désolé. Use a teen metal spatula for flipping. Je suis pas capable de lire jusque-là. Ah, ben, oui. Ben, 29. Ah, OK, donc ça dit de... OK, je vais essayer. De permettre à la crêpe de cuire un petit peu et de former des bulles avant d'ajouter le reste qu'on va venir plus tard avec ça. Donc, le tourbillon de cannelle doit être épais, un peu comme de la pâte à dents, d'accord? Et puis, donc, c'est ça. C'est t'attends les bulles, tu ajoutes un petit peu de cannelle ou de sirop de quelque chose sur dans le milieu de votre cercle de crêpes en tourbillon, OK? Pas trop proche du bord, sinon ça va comme tout foirer. Tu le flippes rapidement, mais en faisant attention, et ça va te faire un genre de petite crêpe brioche. Donc, c'est un sirop de cannelle qu'ils ont mis à l'intérieur. Tu gardes la chaleur sur médium ou médium low. Et ça donne quelque chose qui a l'air vraiment bon, je trouve. En tout cas, pâte à crêpes et un petit tourbillon de cannelle. C'était difficile, celui-là, je trouve. Moi, je suis sûr que ça va foirer. À chaque fois que je fais des crêpes et que j'essaie de faire quelque chose, ça foire. À chaque fois que je fais quelque chose, en général, pas juste dans la cuisine, ça foire. soulagement pour les maux de tête maintenant. Manger entre 10 et 12 amandes, c'est l'équivalent de 2 aspirines pour les migraines. Nous dit-on. Ah? Je peux, pourquoi ne pas l'essayer en même temps? Mais regarde, honnêtement, je prends des liquigels, puis migraine, ça aide pas tant que ça, là. Non, moi, les maux de tête que j'ai, en tout cas, je sais pas, j'ai essayé toutes les pilules qu'il y a d'imaginables en pharmacie, rien n'aide. C'est comme ça. Alors, on va essayer des amandes pour voir. Quand c'est le moment de donner un type, donc du pourboire, tiens, il faut apprendre la différence entre un serveur qui est très mauvais à son travail et quelqu'un qui travaille beaucoup trop et qui fait de son mieux. Et c'est celui-là que tu dois typer plus. Ben oui. Ceux que leur boss en demande trop. Ben oui. Ils méritent de l'argent. Oui, oui, non, mais ça paraît. C'est vrai, quand tu vois que le serveur se court puis essaie d'être là, même s'il y a de la difficulté, come on, là. Aide-le un peu. Il se force. Si le serveur est juste à côté sur le bar, puis qu'il souffle ses ongles ou qu'il a l'air bête, moi, si t'as l'air bête, et tabarouette. Moi, j'ai un petit peu de misère à pas donner de pourboire dans la vie. On dirait que je me sens comme. Ah, c'est rare. Mais il y a des airs bêtes que t'es comme... Non, c'est parce que je viens ici pour déjeuner le dimanche. J'aimerais ça... être de bonne humeur, un là. Petit un petit café, là, c'est... Non. Non. Ensuite, les filles, utilisez du revitalisant pour les cheveux pour raser vos jambes. Mais là, je dis les filles, mais ceux qui se rasent les jambes. Beaucoup moins cher que de la crème à raser et ça laisse vos jambes complètement douces. Hey, non, elle coûte ben trop cher, mon revitalisant. Ouais, peut-être que tu pourrais avoir une bouteille de revitalisant cheapo. Pour tes jambes, mais une bouteille de revitalisant, elle est expensive pour tes cheveux. Pour tes cheveux. Oui, c'est ça. Peut-être. Moi, je prends juste mon gel de douche. Ah, ben oui, c'est sûr. Ça coûte encore moins cher, je me lave en même temps. Mm-hmm. Si tu marches seul la nuit, alors ça, c'est un petit peu déprimant, mais si tu marches seul la nuit, ne porte pas tes écouteurs parce que les criminels. cherchent des gens qui sont facilement distraits ou qui sont en train de faire autre chose, donc ils pensent à leur musique, ils pensent pas nécessairement à peut-être arrêter le voleur qui va voler leur sacoche ou truc comme ça. Ou juste se sauver. Ah, t'es-tu fou dans le noir si tu penses que je vais mettre des écouteurs? Je sais bien. Hey! T'es peurant, ça. Je fais une trop moumoune. Mm-hmm. Ah, tiens, ça, je le savais pas. C'est un conseil que je vois là en direct et que je me dis, ça a l'air vrai. T'sais. La loi universelle des hommes. Tu sais, quand tu hoches de la tête. Mm-hmm. Hocher de la tête, oui, bon. Le oui et le non. Le oui, excuse-moi, c'est un mouvement de haut en bas, de haut en bas, tu sais, oui, bon. Mais juste un hochement par en haut, c'est pour les amis, OK? Hein? OK? OK? Et par en bas, c'est pour les hommes, comme salut. Les vrais hommes virils, salut par en bas. Je sais pas ça. Par en bas. Ah, OK, ouais, c'est comme. Hey, salut! Hey, peut-être par en haut, ni par en haut, hein? Puis, moi, sérieux, là, qui a un double menton. C'est ça. On a tous des gens qui saluent comme ça puis qui disent même pas bonjour. C'est juste un hochement par en bas. C'est juste des hommes, mais c'est pas des amis. Tu vois, le genre. Intéressant. Ouais, pas pire. Hein? Je pense que je vais regarder ça. Voir. Oui, faut analyser les gens. Oui, je vais essayer d'être attentive à ça. C'est un des meilleurs passe-temps du monde, analyser les gens. Belle. Pour vrai. Quand tu veux mettre une bouteille de 2 litres de liqueur dans le réfrigérateur, on nous dit brasse-la un petit peu, juste un minuscule moment, brasser, et elle va rester plus pétillante pendant plus longtemps. Ça vaut la peine de l'essayer ça aussi. Ah ouais? Je sais pas, moi, il me semble, je me dis brasser, ça veut dire que tu perds le gaz, mais justement, c'est que la bouteille est fermée quand tu le fais. Ouais, non, c'est ça. Ça garde le gaz à l'intérieur, tu prends ton gaz égal, comme on dit, hein? Raccourci pour le fast-food. Ça, vraiment, c'est du génie. Je ne peux pas croire que personne n'avait réalisé ça. En tout cas, moi, j'ai jamais vu personne faire ça au restaurant. Okay? Ton verre de liqueur dans un fast-food commun a souvent un petit creux en haut. Ouais, okay? Mais pas autant que sur la photo. peut-être pas autant sur la photo, en effet. Donc, sers-toi de ce couvercle-là. Alors, en même temps, là, ici, il laisse sur le verre. Je sais même pas comment ils font pour mettre la paille dans le côté. Là, j'imagine qu'ils font un deuxième trou, puis je comprends pas ça. Mais à la place, moi, j'enlèverais le couvercle de la liqueur. Je mettrais sur le cabaret. Je mettrais ma paille qu'on met dans le verre normal. Et je prendrais donc le couvercle, qui est indépendant maintenant. Je mettrais le ketchup dedans, comme ils montrent sur la photo. Et là, tu peux tremper tes frites dans ton couvercle de liqueur. Ouais, parce que si tu vas dans la plupart des fast-foods, le trou de la paille est en plein milieu de la bouteille. Exact. Tu peux pas faire ça. Là. C'est exact. Moi, je prendrais deux couvercles à liqueur. Un pour la liqueur, un pour le ketchup. Puis je suis sûr que, une fois que, vu qu'il n'est pas, pas percé par ta paille... Ben oui, il y a quand même un trou. Ben pas tant que ça. Puis en même temps, c'est beaucoup mieux que de juste mettre ton ketchup sur ton apron dans, hey, dans le restaurant, hey, non? Regarde-moi, Mathieu Plante. Regarde-moi. Ça te donne quoi de prendre un couvercle d'un verre à part mettre ton ketchup, alors qu'il y a des petits cups en carton pour mettre le ketchup? Ben raison. Là, c'est juste pour traîner ton ketchup sur ta bouteille, là, sur ton verre. C'est pour l'amener de place en place. Ben oui, là, il y a des petits cups. Ouais. Comment tu mets ton ketchup direct sur ton apron? Ils sont trop petits, les copes. Oui, mais je mets t'en mon ketchup. Prends deux. Carlin. Voyons donc, t'en prends deux. T'es-tu calme? Mais tellement, je suis comme, voyons donc. OK, on va changer de sujet, ça va être vraiment plus cool. OK, chez Starbucks, on va se le dire, c'est le restaurant, l'endroit où il faut aller pour ça. Comment faire un Captain Crunch Frappuccino? Frappuccino, Capitaine Crunch, man. Hein? Donc, tu commandes un frappuccino fraise et crème, OK, avec une pompe de sirop de caramel, deux shooters de sirop de toffee, OK, et une pompe de noisette. Et ensuite, tu rajoutes deux cuillerées de brisure de chocolat. Ça va goûter Capitaine Crunch? D'après moi, ça va goûter le sirop qui se retrouve au fond du bol quand tu manges des Capitaine Crunch. Le sirop? Le lait mélangé avec la saveur de Capitaine Crunch, genre? Ben, si on veut. Je sais pas, ça goûte pas juste le sucre, les Capitaine Crunch? Non, ça goûte bon, c'est un petit goût particulier. Je sais pas si c'est vraiment fraise, caramel et toffee, mais c'est ce qu'ils disent dans la recette. C'est via Starbucks Secrets. OK. Je sais pas. Ça donne envie d'essayer quand même. Ensuite de ça. Écoutez la musique pendant que tu manges. C'est prouvé selon une étude que ça augmente la saveur. Ah! D'écouter de la musique pendant que tu manges. Et ça diminue les bruits de mâchage des gens autour de toi. Aussi, ce qui est vraiment agressant souvent. Moi, manger dans le silence, j'aime pas ça. Non, c'est dérangeant. Ouais, c'est ça, c'est un silence désagréable. Désagréable. Mettre du vinaigre sur tes ongles avant d'appliquer du vernis à ongles. Ça va aider le vernis à durer deux fois plus longtemps, nous dit-on. Et appuyer. Exactement. Ça a l'air un peu long. Est-ce que je laissais celui-là? Des boules de pizza. On peut pas ne pas laisser. C'est des boules de pizza, ça le dit dans le titre. Ah, des pizzas pochettes maison. Si on veut, c'est trois cannes, OK, de Pillsbury Buttermilk Biscuits. Les biscuits au babeur Pillsbury, si on veut. Il y en a 10 par canne. 56 tranches de pepperoni, bien exactement. Un bloc de fromage Colby. J'imagine que tu peux essayer avec d'autres fromages. Un œuf battu. Du parmesan, des assaisonnements italiens, de la poudre d'ail. Un pot de sauce à pizza. Tu coupes le bloc de fromage en 28 carrés. Au cube. Tu aplatis le biscuit, tu mets du pepperoni et du fromage dessus. Ensuite, tu montes un petit peu les coins de ton biscuit, finalement. Tu alignes tout ça dans une plaque de 9 par 13 pouces. Là, ils sont beaucoup trop exacts sur les mesures. Tu brosses avec l'œuf battu dont on a parlé tantôt. Tu assaisonnes un petit peu de parmesan, assaisonnement italien et poudre d'ail. Tu mets ça à 425 degrés Fahrenheit pendant 18 à 20 minutes. Et ça fait des petites pizzas pochettes maison. Ça doit être effectivement très bon, mais je trouve que leur ratio fromage pepperoni est pas terrible. C'est beaucoup de fromage. En tout cas, sur l'image, il y a beaucoup trop de fromage pour la quantité de pepperoni. Moi, j'aurais mis au moins deux tranches de pepperoni de plus que ça. Non? Ben oui. Facilement. Ben oui. Allez voir la recette sur assemblagerequis.com. Personnellement, je pense que j'aurais rajouté des champignons. Oui, Tu sais, une aldresse. Maison. Champignons, poivrons. Ah oui. Du bacon. Non. Ah, pour ben faire oui. le québécois. Tu peux même saupoudrer sur le dessus, peut-être des miettes de bacon. Ben du vrai, là, tu sais. Ben oui, ça, ben ah, oui. Ah, sachez. À la fin d'une entrevue, c'est quand l'intervieweur te demande si t'as des questions, demande-leur ce qu'ils aiment de leur travail. Une bonne idée, ça. Je pense qu'on l'avait déjà dit, mais c'est pas grave. Je pense que j'ai tout fait, ceux-là. Est-ce que j'avais oublié de les enlever de la précédente chronique? Je pense que oui. Je vais en sauter quelques-uns si ça vous dérange pas trop. Ah, ouais. Ouais. Moi, c'est ça, j'y recollais tous. Ah tiens, ça c'est drôle, j'aime ça, ça. Prenez un moment pour réaliser que vous avez jamais vu votre visage. De vous-même, à moins que vous travaillez en télé ou que vous ayez participé à une capsule vidéo, peu importe. Mais vous avez juste vu des reflets de vous à l'envers, hein, et des photos de vous. Okay. Mais les photos, c'est à l'endroit? Ouais, des photos, c'est à l'endroit, mais c'est pas en 3D. T'sais. C'est juste c'est aplati en 2D. Donc, on nous dit, certains scientifiques sont d'accord que si tu voyais un clone de toi-même, tu le reconnaîtrais pas, tu saurais pas que c'est toi. Parce que l'idée de quoi on a l'air, finalement, est tellement différente de ce dont on a l'air vraiment. C'est selon une étude scientifique. Tout le monde s'est déjà vu en vidéo, non? Ben, ouais, mais encore là, de la vidéo, c'est aussi du 2D. c'est aplati, c'est pas vraiment toi, tu t'es pas vu dans la vraie vie comme moi je te vois en ce moment. Ah, en mais vidéo, c'est pas ce que je te dis, à moins d'avoir fait des capsules vidéo. Ouais, ben c'est ça, ben ça c'était juste moi qui disais n'importe quoi tantôt, mais ouais, ben en effet, tu te contredis, là. Non, mais c'est que tu te reconnais un petit peu en vidéo, mais c'est pas toi. Si tu voyais un clone de toi en 3D, en vraie dimension, le life size, tu te reconnaîtrais pas. T'sais. OK. Bref, c'est ce que l'étude nous apprend. Faites chauffer votre lash curl, le truc pour courber vos cils, vos cils, c'est ça, je mélange tout le temps les doigts entre sourcils et cils, pour courber tes cils. Me semble, oui, de devoir essayer de courber tes sourcils. C'est le mot qui me va pas du tout. Donc, la chaleur fonctionne de la même façon que votre fer pour les cheveux. Donc, ça va vous donner de grands cils très, très bien courbés si vous faites chauffer votre truc à cils. C'est dangereux de se brûler, ça? Ben, peut-être le laisser refroidir un petit peu avant, mais reste chaud quand même. Tu fais chauffer ça où? Je sais pas, moi. Tu fais chauffer ça où? À l'eau chaude, probablement, peut-être. Je sais pas. Ah, je sais pas. Pas pour micro-ondes, c'est non, sûr. Non, sûrement pas. Les étincelles que ça va faire. Peut-être... Avec un chalumeau. Comment tu pourrais bien faire chauffer ça? À part l'eau chaude, je vois pas. Non, moi, je dirais l'eau chaude. Dans sécheuse, peut-être. Ça fait quelques lignes. Peut-être. Ensuite, mettez du yogourt, des fraises, des pistaches, tout ça dans j'ai un... J'ai faim. Oui. En fait, des plaques avec ça et mettez des plaques au congélateur. Ça fait un peu penser à ce qu'on avait vu aussi, les fraises que tu fais geler. Tu trempes dans le yogourt et après ça, tu les refais geler puis ça fait des belles petites bouchées. Donc, c'est bon, miam, c'est miam, bon. Miam, c'est beau. Est-ce qu'on fait... je crois que le reste, c'est juste des phrases. On va faire un blitz, OK? Si t'as pris quelque chose, alors c'était pas une perte de temps. C'est bon à savoir, des fois, tu dis que t'as perdu ton temps. Non, t'as appris quelque chose. Ouais, genre, j'ai fait un bac de 4 ans puis je travaille pas dans mon domaine. T'as appris quelque chose, j'imagine. Moi, je parle pas de moi, là, honnêtement. Si t'aimes pas quelque chose parce que c'est populaire, t'es en train de laisser la culture populaire te dire quoi aimer. C'est comme quand t'es hipster, que tu sais, genre, si t'aimes pas quelque chose parce que c'est populaire, mettons, j'aime pas la voix parce que c'est populaire, mais dans le fond, t'es aussi pire que les gens qui aiment la voix parce que c'est populaire, tu sais. Parce que tu laisses la culture populaire te dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Je comprends-tu? Oui, oui. J'aime bien celle-là, mais j'ai mal. Il faut que tu le regardes une fois et qu'à partir de ce moment-là, tu te dises j'aime ça ou pas. Sois objectif. C'est difficile, ça. Mais pardonne aux autres, pas nécessairement parce qu'ils méritent de se faire pardonner, mais parce que tu mérites d'être en paix après avoir pardonné quelqu'un. On dirait que c'est Jésus qui a dit ça. On dirait. Écoute les conseils des personnes plus âgées. C'est pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'ils ont plus d'expérience à en avoir tort. Tu sais, genre, ils ont plus d'expérience sur les... ils sont trompés plus de fois que vous. Ils ont plus d'expérience là-dedans. Intéressant. Attachez un petit Febreze. On a parlé tantôt de Febreze dans la voiture pour la petite trappe d'aération. Là. Ils font le test dans la voiture, puis il y a des boîtes de pizza dans la valise. Bon, prenez ces clips-là pour la voiture et mettez-les sur, tu sais, les petites plaques sur le plancher des vieilles maisons. Dans le temps, il y avait des plaques sur le plancher pour laisser la passer la... C'est oui, ça, oui. Exactement, du sous-sol ou de la cave. Il y en a qui ont encore ces affaires-là. Mettez un clip là-dessus et ça va faire que votre pièce va se sentir meilleure. Ah, c'est pas fou, ça! Très bonne idée. Et comment donner des médicaments à des enfants? Faites un trou au bout de leur suce, OK? Et passez la petite pipette, là, OK? Faites un trou dans la suce. La suce de votre enfant, OK? Et oui, la tétine. Oui, c'est ça, la tétine. Vous passez la pipette de votre médicament dans ce trou-là et vous lui donnez sur sa suce. Tu comprends ça? Donc, il va sucer sa suce comme il ferait d'habitude, sauf que le médicament est dans la pipette et tu vas pouvoir le squirter dans sa bouche. Ouais. C'est comme un peu trompeur, tu sais. Ouais, mais admettons que le médicament goûte mauvais. Ouais. Puis qu'il associe le goût de mauvais à sa suce, peut-être qu'il ne voudra plus prendre sa suce. Ah, peut-être. Peut-être que tu pourras avoir deux modèles de suce ou deux couleurs pour qu'il l'associe à d'autres choses. Je ne sais pas, je ne connais pas les enfants. Ben, il ne va peut-être pas nécessairement faire comme « Oh mon Dieu, la bleue goûte mauvais, ouais. Mais mon Dieu que la rose est bonne. » Peut-être s'il y a un monstre dessus. Non, je ne sais pas. Ouais. Je dis n'importe quoi, mais bon. Donc voilà pour les instructions d'assemblage. On fait ça les jeudis. Assemblage. Voilà. Alors, on prend une pause au retour, c'est François Landry. Il a assez attendu, le Woocrassy 101 s'en vient. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. En ce jeudi 17 avril 2014, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Et on est avec François Landry. Donc, présent. On va se calmer, puis on va se dire les vraies affaires. Tu sais? Comme Couillard. Ouais. On va faire les. On va ensemble pour les vraies affaires. C'est ça, pas de niaisage comme on a fait tantôt avec les chroniques qu'on se disait n'importe quoi. Là. Non. Franchement, on est pas mal plus haut que ça dans la hiérarchie radiophonique, hein? Donc voici Logocratie 101. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Cela va? Ah, il va très bien. Toujours, ben oui. Le Parti libéral, lui, comment il va? Parce que son plan de match des libéraux, là, c'est le titre de la chronique d'aujourd'hui, plan de match des libéraux. Ouais. C'est négatif, positif? C'est les deux. Donc, c'est... un positif, un négatif, ça donne le tout. C'est neutre. C'est neutre. Hein? Comme le chandail à Mathieu. Merci. C'est pogatif ou négatif? Nésitif, c'est jamais ça. On peut aussi. Mais oui, c'est le plan de match de Philippe Couillard, en fait, des libéraux, mais c'est de Philippe Couillard surtout parce que c'est un nouveau gouvernement. On le sait, le 7 avril dernier, le peuple a élu Johan. Ah non, ça, je me trompe avec la voix. Non. A élu l'autre, Philippe, qui chante aussi très, très haut, mais qui devrait se calmer oui. Le pompon un peu. Hein? Ça, ouais. Hein? C'est comme un coup dans les... c'est quoi qui fait que tu chantes aigu, t'as un coup dans les... Dans les pompons? Dans les couillards, c'est ça, je pense. Dans les couillards, oui, c'est vrai, excuse-moi. Dans les couillards. Il a couillé ça hard. C'est couille hard. Ah. Voilà. J'ai fini. Donc, pendant que les prétendants à la succession de Pauline s'énervaient un peu, hein, PKP, Bernard et JF, et sûrement d'autres aussi, Véro, puis peut-être Peter. James Bond? Non, lui, trop hot pour le pic. Okay. Non, lui, il pourrait assassiner tout le monde. il pourrait coucher avec tout le monde aussi. Donc, pendant qu'il s'active au PQ, les libéraux se pincent de bonheur. Donc, c'est pour ça que c'est positif de certains points de vue. Les voilà de retour au pouvoir après 18 mois seulement, à peine après l'avoir quitté. Donc, en termes politiques, c'est un clignement d'œil. Cligne ouais. Les yeux, puis c'est aussi rapide que ça en termes politiques, parce qu'on sait qu'en politique, c'est long. Hein? On prend ouais. Du temps. Toujours. Donc, 18 mois dans l'opposition, c'est une petite vacance. C'est en criant ciseaux, lapin et autres. Hein. Voilà. Tu ne partiras point avec ma peau. Voilà. Hein? Avant de l'avoir tué. Voilà. Donc, mercredi dernier, la semaine dernière, réunis pour leur premier caucus post-électoral, le mot d'ordre dans la salle était très, très clair. Pas de triomphalisme ni d'arrogance. De retour dans leur environnement presque naturel, c'est-à-dire au pouvoir, parce qu'ils sont là depuis 2003, c'est une sorte de sentiment de victoire inespéré qui se dégageait néanmoins dans la salle. Donc, tout le monde était fébrile, tout le monde était content. Enfin, nos vacances sont finies, on revient à job. Puis voilà. Donc, confortablement majoritaire, c'est-à-dire 70 députés. Ça en prend 63 pour être majoritaire. Donc, ils peuvent attendre 7 départs à la retraite ou 7 démissions ou 7 arrestations. Puis, ils sont encore majoritaires. Lequel qu'il va y avoir le plus... Ça se pourrait une arrestation dans les prochains jours. Ah oui? Oui, j'en reviens en fin de chronique avec okay. Ça. Donc, les libéraux profiteront d'une opposition péquiste à l'aube d'une guerre de clans et d'une CAQ aux ambitions démesurées pour leurs moyens et leur appui réel. Faut pas oublier que le PQ est en arcane. Le PQ aime ça, l'arcane. Ils vont s'entre-déchirer pendant plusieurs mois, peut-être même années, parce qu'ils souhaitent pas une course à direction avant 2 ans. Ils ont 4 ans pour la faire. Donc, pendant 2 ans, ça va être Stéphane Bédard, qui est le député de Chicoutimi. Je les aime bien, les autres, qui va gouverner. Et lui est très, très proche de Pierre-Carl Péladeau. Et on sait qu'au Parti québécois, il y a encore une frange gauchiste qui n'aime pas Pierre-Carl Péladeau. Et il y en a qui sont plus nationalistes que souverainistes, donc ils pourraient s'entre-déchirer. Donc les familles, à l'interne, on sait, c'est en apparence toujours sain, une famille. Mais quand tu rentres dans la maison, ça se peut que tu te fasses taper ses doigts. Et la CAQ, aux ambitions démesurées, comme je le disais, et un appui réel qui est en baisse, ont perdu, malgré tout, 200 000 votes. Aux dernières élections, ils ont eu plus de députés, mais par division du vote. Mais en réalité, les Québécois ont déserté la CAQ, carrément. Donc, est-ce qu'ils sont moralement forts? On peut en discuter. Dans les faits, oui, mais dans le concret, là, prochaines élections, ils ont des preuves et des croûtes à manger. Donc, après des mois de déchirement sur la charte des valeurs et une défaite catastrophique pour le Parti québécois, le mantra de Philippe Couillard, qui sont l'économie et des emplois, tiendra lieu de vision pour le Québec. Donc, dès qu'on va parler du Québec de demain, il va falloir qu'il parle d'économie et d'emploi parce qu'il s'est fait élire là-dessus, sur rien d'autre. Exit donc la question nationale, laquelle, de toute manière, est déjà enfermée depuis longtemps dans une double impasse. Le Parti québécois ayant largué son opinion aussi, depuis le référendum de 1995, parce qu'on a... Ils veulent plus de souveraineté, ils veulent une gouvernance souverainiste. Hein? Ils veulent avoir quand le peuple jugera bon un référendum. Le Parti libéral, lui, pour sa part, sachant que depuis les échecs du lac Meech et de l'accord de Charlottetown, donc en 90 et 92, tout renouvellement du fédéralisme est mort et enterré pour de bon en dehors du Québec. Donc, plus personne au Canada ne veut entendre le Québec gémir ou pleurer ou pleurnicher ou faire son bébé lala sur une question de réformer le Canada. Le Canada s'en tient très bien, selon eux autres. Encore là, quand on va rentrer dans la famille, on verra que le chien aussi. Bref, avec l'assentiment tacite des deux grands partis, le Québec se fait de plus en plus provincial et ses gouvernants de plus en plus gestionnaires. On gère une province et non plus on érige un pays. La carte maîtresse du premier ministre élu sera donc la tranquillité. Un long fleuve tranquille, comme les libéraux aiment, tant que son temps que ça ne tangue pas trop, on navigue, puis peu importe où ce qu'on s'en va. Un jour, peut-être, on arrivera à destination, mais pour l'instant, on aime se ramer dans toutes les directions. On suit le GPS. Et savent-ils comment ça fonctionne? Donc, j'aime ton rire. Je ris de Mathieu, okay. Je te raconterai ça. De ma mauvaise blague. Ouais, c'est ça, je me suis perdu avec un GPS. C'est pas mal la blague, finalement. Okay. Bon. Je veux savoir ça après. Je me suis rendu à Sainte-Tech, man. Oh. Il s'en allait à Sainte-Geneviève de Batisquet. Bah, c'est dans le même bout. Ben oui, à l'opposé. Si par le même bout, tu veux dire partout dans le même bout. C'est ça, voilà. Donc, visant un long séjour au pouvoir, Couillard se dit vouloir collaborer avec les partis d'opposition et s'inspirer de leurs bonnes idées. On verra s'ils vont emprunter à droite et à gauche. Son gouvernement sera, jure-t-il, une équipe d'écoute et de ralliement, une référence à peine voilée aux séquelles laissées par la Charte des valeurs québécoises. On s'est entre-déchiré au Québec. Le matin, il dit non, il y a tout le monde, là, on va se calmer le pompon. Une majorité de Québécois appuyant le projet de loi sur la fin de vie porté avec finesse par l'ex-ministre péquiste Véronique Yvon, donc une possible éventuelle candidate. Éventuelle, qu'on dit. Éventuelle. Éventuelle, oui. Éventuelle. Voilà, ouais. C'est 9,5 sur 10. Merci, wow. Ouais. Il promet son adoption de concert avec l'ensemble des partis. Donc, dans les prochains jours, on devrait avoir une nouvelle loi au Québec sur la fin de vie. Donc, déjà là, ça ralliait tout le monde au Québec, pour quelques hurluberlus, mais en réalité, il faut prendre soin de ceux qui veulent se donner la mort et... Oui. Mais pas le suicide, là, attention. Non. Il y a une méchante différence. Pour vrai, ceux qui mettent les mêmes dans le même, les deux dans le même panier, c'est pas la même chose pour en tête. Ou suicide. Deux dos dans la même prise. C'est ça. Ça fait mal, hein? C'est ça. C'est pas pareil. Donc, il dit aussi vouloir légiférer sur la laïcité en tablant sur ce qui fait consensus. Donc, on sort l'interdiction inutile et polarisante, les signes religieux de la fonction publique et des parapubliques. Donc, ça, on ne veut plus en entendre parler. On veut l'égalité homme-femme. On veut dire au Québec qu'on est laïque. Ouais. That's it. Le voile fini chez les libéraux, du moins. Donc, pour consolider ses appuis chez les francophones aussi, il promet une forte représentation ministérielle des régions au sein de son conseil. Donc, ça se pourrait qu'il y ait des ministres de nommer en Mauricie. Julie Boulay, fort probablement, sera ministre de la Forêt, un nouveau ministère qui va s'occuper du plan Nord 2.0. Peut-être si Jean-Denis Gérard, le député de Trois-Rivières, mais pas tout de suite. Je l'ai rencontré personnellement récemment pour mon emploi et je lui ai demandé, allez-vous être ministre? Il dit non, je ne veux pas être ministre. Il dit, je veux attendre, apprendre comment fonctionne la politique au Parti libéral avant. Parce que c'est un tout nouveau, il n'a jamais fait de politique active, à part régionale, mais il veut attendre. Est-ce qu'il t'a dit, j'ai rarement fait de politique dans ma vie? J'ai rarement. Non, mais ça est bon, le seul aussi. 9,3. 3, parfait. Ouais, je le prends. Donc, Phil Couillard veut également insuffler un ton plus respectueux à la politique québécoise. Vaste programme. Parce que l'introduction de ma chronique, c'est ma collègue, calmez-vous un peu. Donc, en chambre, c'est cacophonique. C'est un CPE, c'est beaucoup plus discipliné que l'Assemblée nationale, bien souvent. Donc, lui, il veut ramener le respect, le bon goût, et surtout faire un débat d'idées démocratiques et non pas de chahuter pour le plaisir de taper sa table, puis que le président se lève pour dire collègue. Mais c'est le fun. Oui, c'est le fun, ça fait des belles intros dans les chroniques. Ouais, donc, promettant une étude indépendante aussi des finances publiques pour le vérificateur général, des mauvaises surprises pourraient se pointer à l'horizon parce que le vérificateur est indépendant. Lui, il peut aller gratter. Donc, s'il manque 800 millions quelque part, le Parti libéral pourrait dire « Ah, ben ça, c'est un compte caché par l'ancien gouvernement, c'est pas notre faute. » Le vérificateur pourrait dire « Non, ça date de vous autres en 2007. Mmh. » Hein? Donc, pour atteindre le sacro-saint déficit zéro, parce que c'est une loi de ne pas faire de déficit au Québec, y aurait-il d'autres compressions dans les services publics, un plus grand recours au privé ou d'autres augmentations de tarifs, comme la taxe santé, qui a passé de 200 à 100 piastres, pourrait-elle remonter à 200 piastres? Et les rumeurs courent comme quoi des compressions gouvernementales de l'ordre d'1 milliard de dollars pourraient être à l'ordre du jour pour la prochaine année. Wow. Si on se cotise, on peut ramasser peut-être 3 piastres ici. Mm-hmm. On peut aider, mais 1 milliard, pas sûr qu'à nous trois, on peut se faire ça. Et cette réforme de la fiscalité promise par le chef libéral, de quoi sera-t-elle faite? On l'ignore encore. Donc, il y a aussi l'intégrité. Hein? L'intégrité, on en a parlé beaucoup. C'est le talon d'Achille des libéraux. Pas Achille Talon, parce que lui est sympathique, mais c'est le talon d'Achille des libéraux. Monsieur Couillard promet la transparence pour reconstruire la confiance perdue des citoyens. Il sera donc jugé à l'importance réelle des moyens qu'il prendra, non à ses discours. Donc, les paroles doivent suivre les babines. Donc, pas les paroles. Les bottines doivent suivre les babines. Je la connaissais pas, fait que je sais pas. Non, je vais te laisser plus les jeux de mots. Ouais, c'est ça. C'est meilleur que moi. Donc, comment donc Philippe Couillard entend-il empêcher concrètement les prochains milliards qu'il entend investir en infrastructure de redevenir un véritable bar ouvert pour entreprises collusoires et corruptrices? Nul ne le sait. Collusoire, on dirait un nom de dépanneur dans le temps. C'est collusoire. Provisoire. Comment empêchera-t-il des enveloppes brunes de firmes en quête de gros contrats de tenter de corrompre élus et hauts fonctionnaires ou encore de suppléer ainsi illégalement au nouveau plafond de 100$ par contribution? Avant, c'est à 3000$ qu'on pouvait donner par année à un parti politique. Ça baissait à 1000 et maintenant c'est 100$. Donc tu peux faire c'est rien, ça, comme ça? Non, ben le gouvernement procède autrement pour subventionner les partis politiques, okay, de par les votes, augmenter le financement à la base. Donc, les citoyens ont presque plus un mot à dire dans le financement des partis politiques, sinon que c'est symbolique. Mais sur chaque dollar, tu reçois un reçu d'impôt de 75$. OK. Faut pas oublier ça. C'est rentable. C'est rentable. Ben, oui. Pour nous autres, oui, parce qu'on a des retours d'impôt intéressants au mois d'avril. On paye moins d'impôts. C'est un REER, mais... à peine, non, je ne suis même pas réel. C'est trois quarts réel, mettons, sur 75%. Mettons, okay. Ouais, c'est ça. Donc, comment ils vont empêcher ça? Surtout que hier, on a, et c'est dans les journaux aujourd'hui partout, le cabinet de la ministre, de l'ancienne ministre des Affaires municipales, Nathalie Normandeau, qu'on a déjà souvent parlé ici, était, selon l'UPAC, donc l'Unité permanente anticorruption, au cœur d'un complot criminel, et là, j'ai cité, qui a permis à de grandes entreprises de s'acheter la faveur du gouvernement en inondant le PLQ de nombreuses contributions illégales. Hmm. Donc ça, c'est l'UPAC qui va déposer des accusations bientôt dans l'entourage de Nathalie Normandeau. Et selon son ancien chef de cabinet, il a témoigné contre elle. Donc, elle était au courant. Wow! Donc, elle est un petit peu dans le jus de... Mm-hmm. Hein? Et mariné comme un tourne d'eau. Oui, voilà. Mais sans l'odeur alléchante. Même majoritaire et l'ombre de l'UPAC et de la commission Charbonneau planant au-dessus du PLQ et possiblement aussi du PQ, on pourra le voir dans les prochains jours, Philippe Couillard devra continuer et accélérer le nettoyage des écuries. Hein? On parlait de... De tourne d'eau. Oui, de tourne d'eau, si tu préfères. Donc, incluant celle de son parti. Et là, où ce que les journaux nous apprennent aussi, c'est que l'UPAC a ouvert une enquête contre une personne qui a été réélue le 7 avril au Parti libéral du Québec. Mais tu pourrais me donner 5$ comme tu me le fais présentement, là. Je pourrais pas te le dire, c'est qui. Je sais pas. J'ai des noms en tête, mais je veux pas être le premier à le dire sur la radio pour ne pas avoir une poursuite pour diffamation. Exactement. Ouais. Donc, je vais me taire. Mais c'est quelqu'un de réélu. Il y en a combien qui ont été réélus? Pas beaucoup. Le tiers. Okay. Le tiers qui étaient dans l'ancienne garde qui sont réélus. Donc, allez voir sur asnat.qc.ca puis allez voir ceux qui étaient en poste avant puis vous allez... Faites un référencement croisé, vous allez trouver. Comme un détective. Vous allez trouver. Moi, j'irais de regarder dans le coin de Québec. Je dis ça. On retrie ici un peu. Ça juste demain. Mais ça se pourrait, je me trompe. Ça se pourrait. Je vais pas partir de rumeurs. Colombo se trompe-t-il? T'sais, j'ai une chance sur 70 de me tromper, en tout cas, peu importe. Une chance sur 70 de l'avoir. Il a été réélu. Voilà. Donc, les Québécois détroussés depuis plusieurs années exigent et ont droit à la vérité de Philippe Couillard, ont le droit à une droiture, ont le droit enfin à ce qui fasse ce qu'il dit, donc être transparent. On veut savoir qui fait quoi de mal et surtout, on veut plus qu'il y ait personne qui fasse de quoi de mal. Donc, ça va être à suivre. L'UPAC qui a repris du service cette semaine, Camusson Charbonneau qui a repris du service dès le 8 avril, le lendemain des élections. Ça s'en vient sur le financement des partis politiques prochainement. Donc, attendez-vous, comme on disait en début de chronique, à ce que plusieurs têtes tombent ou des nouveaux retraités se fassent valoir bientôt. Des parachutes dorés ou des trucs comme ça, des gros montants pour qu'ils s'en aillent? Oui, monsieur. C'est ce qu'ils font, eux autres. Oui, mais c'est légal, c'est parce que c'est déjà dans leur... Faut faire six années. Faudrait que je fasse une chronique là-dessus éventuellement. Ouais. Faut faire six années non consécutives en tant que député pour avoir droit à une prime d'indemnité ou une retraite à vie du ouais. gouvernement du Québec. Le reste de ta vie. Le reste de ta vie. Bien payé. Ouais, donc c'est pour ça que j'aimerais aller en politique là, faire 6 ans, et me retirer de la vie, tout court. Je serais payé à peu près 40 000 par année. Wow. Hein? C'est pas mal plus que ce qu'on gagne aujourd'hui. Bon, on te le souhaite, hein? Ben oui. Oui. Je te souhaite aussi, on pourrait se faire... Hein? On se part un parti. Oui, le parti, c'est fou. Je sais pas. Oui, ben pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Le jeu des médias qui pourrait nous appuyer. C'est ça, hein? Au moins. Le groupe des médias étudiants. Genre, Assemblée générale bientôt. Mais hein, au revoir. C'est tout. Oui, c'est tout pour l'instant. Merci. Pour l'instant. Ça fait plaisir. Et on se retrouve jeudi prochain à 8h30. Oui. Avant-dernière chronique? Avant-dernière, oui, c'est ça. Nous, on finit la semaine du 28. Donc, tu as le loisir de venir jusqu'à temps que tu as envie d'arrêter. Jusqu'à temps que le micro soit ouvert. Hein? C'est ça, ben oui, voilà. Et merci beaucoup encore une fois. Une fois de plus. C'est ça, une fois. Donc, toujours à Assemblage Ricky, tantôt, à la bouffe de la semaine, Steph. Ouais, oui. La malbouffe aussi. Ah, je suis prête. Et chacun dans nos sacs, on vide le sac, on sort le chat du sac. Mais non, on va pas tout vider le sac non plus. Là. Il y a mon lunch pour ce midi. Bon, restez là. En fait, je pense que restez là pour la chanson qui va commencer là. J'avais oublié. C'est une nouvelle entrée de Philippe B. Voici Ornithologie 1. C'est tout nouveau sur son album Ornithologie la nuit à Assemblage Rock. La ville est disparue sous les retailles de l'été. Les oiseaux perdus traînent les rues, il ne reste plus rien dans le ciel en morceaux. On va se parler de la météo. Sur les trottoirs mouillés, les animaux dépareillés s'en vont deux par deux, les yeux fermés à la fête des morts. La nuit déguise les corps. Vous ne saurez jamais qui je suis. Assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis et Stéphanie Paradis. Mathieu Plante, c'est toi. C'est l'émission matinale en pièces détachées. Vous avez peut-être déjà entendu ailleurs dans l'université, vous avez peut-être vu des affiches qui disent « En scène détachée », c'est un spectacle d'étudiants. J'ai aucun rapport avec ça. C'est pas ça, même petit, c'est le même genre de phrase, mais non, c'est pas nous autres. On n'ira pas danser, chanter et virevolter partout. malheureusement. Ah non, mon Dieu, vous voulez pas voir ça. Mais que non, que non. On fait juste de la radio ensemble. Et tantôt, on avait commencé la chronique Les instructions d'assemblage. On a une autre partie, puis l'intro tellement bonne qu'on l'a remet. Ah oui, non. Nous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. T'as dit la même chose tantôt, man. T'as dit la même chose tantôt que ça marchait pas. Ça va marcher, moi. Va te montrer comment. Commençons avec une autre recette. On aime ça, les petites recettes de choses vraiment malbouffe. Hein, on va se le dire, on aime la malbouffe. C'est comme ça. Par exemple, comment faire des pancakes? Mais tu sais, pancake, cake, gâteau, tu sais. D'habitude, un pancake, ça ressemble pas vraiment à un gâteau. C'est une crêpe, plus, genre. Mais ici, ça va être une crêpe au gâteau en prenant un mélange, genre moist deluxe, genre de gâteau au chocolat, et en l'insérant directement. Ah, je pense que j'ai commencé par la fin. Je m'excuse, Steph. J'ai commencé par la fin. Je m'excuse, pas grave. Comment tu veux, je te suis. Je vais retourner au début. C'est mon furteur qui fait ça. Mais bon. Donc, tu prends du mélange à gâteau moist deluxe. Tu le verses dans un truc pour faire des gaufres. Un gaufrier, qu'on appelle, je pense. Genre. Tu le verses dedans et tu l'aplatis avec la plaque. Et ça te fait vraiment des crêpes, mais avec la saveur et la mousse d'un gâteau. Ça a l'air vraiment bon. Ben finalement, c'est un gâteau. C'est un gâteau, mais en forme de crêpe, de gaufre ou de crêpe. Ben, tu sais, dépendant. Tu peux le faire dans un crêpier aussi. Là, j'imagine crêperie cake, dans un truc à crêpe. Mais ici, c'est avec des gaufres. Et tu mets un petit peu de crème glacée dessus et c'est super bon. Ensuite, là, on retourne au début. C'est sûr, c'est un gâteau. C'est bon que n'importe quoi. Ça n'a pas le choix, mais on n'aurait pas pensé de le faire dans un truc à gaufre. Donc, retournons à comment comprendre les femmes. Tiens. Les hommes, si vous voulez voir comment la tête d'une femme fonctionne, imaginez un furteur ouvert avec 2857 onglets, genre. C'est juste une phrase que j'avais trouvée comme ça, puis je trouvais cute. Comme un peu comme moi, en ce moment, j'ai comme 1000 onglets d'ouvert pour les instructions d'assemblage. La tête d'une femme, ça pense comme ça, ça fait 1000 affaires en même temps. Alors qu'un gars, c'est on se concentre sur une tâche, puis on la fait bien. Non, c'est une blague. C'est une blague. Non. Je sais pas. T'es même pas commencé par le bon onglet tantôt, justement. Je sais bien. Hey, ça suffit, les insultes. Wow, minute. Ouais, c'est ça, ça suffit, les insultes. C'est moi qui t'insulte, pas toi. J'allais dire l'insultatrice en chef. L'insultane. Comme un insultant, non? Non. T'insultes. Non. Comment faire des. Du poulet. Du poulet ou Doritos Nachos. Arc. Non, mais pour vrai, on aime les Doritos, on aime le poulet, pourquoi ne pas les mettre ensemble, hein? Non, tu manges pas ça pour souper, les Doritos. Ben oui, ça ressemble un petit peu à des croquettes de poulet. Mais ouais, mais tu fais ça avec des cornflakes, puis tu rajoutes des épices cajun, puis du fromage parmesan. Ouais, mais la saveur caractéristique du nachos Doritos. En tout cas, les ingrédients, on les voit dans la photo sur assemblageruki.com. Moi, je vois est-ce que c'est du beurre ou du jaune d'œuf, ça? C'est du jaune d'œuf. Jaune d'œuf. L'autre à côté, c'est quoi? La farine. C'est ça. L'autre à côté, c'est quoi? Quel autre? Le petit blanc. Le petit blanc entre les deux? Ben, c'est de la sauce, non? Pour tremper ta... Non? Je sais pas. Mais bref, donc, vous garnissez ça de votre poulet. Vous mettez ça dans un truc, un bol en pyrex. Passez ça au four et ça vous donne des croquettes à saveur de Doritos. C'est du lait, je crois. D'accord, voilà, du lait. Mais c'est parce qu'il y a déjà les petits morceaux de poulet dedans. C'est pour ça qu'on aurait dit un bol de céréales. Ouais. Les ingrédients sont pas écrits, c'est vraiment juste du visuel. On voulait vraiment comme nous simplifier la tâche, mais moi, j'ai besoin de mon texte, sinon je ne sais pas de quoi je parle. Mais pour vrai, tu l'essayeras si tu veux que ça soit un peu plus santé, que ce soit quand même bon. Okay. Tu prends des cornflakes, que tes émiettes, ouais. Avec des épices cajun ou chipotle sud-ouest, peu importe, puis avec du parmesan. Ça va te donner quelque chose de très savoureux et semblable à ça. Je vais retenir ça. Ensuite, saviez-vous que les experts en amour disent qu'un amour vrai, un amour est vrai si tu le ressens encore après 3 longues années. Si tu le ressens pas après 3 ans, c'est juste un kick que tu avais ou juste une petite flamme. Le plus haut niveau donc d'infatuation qu'on appelle, donc de kick, dure 3 ans et on pense toujours que c'est de l'amour. C'est ce qu'on nous dit, c'est des experts chez True Love. Donc, si tu passes le 3 ans, t'es correct pour finir, c'est ça? T'es correct pour finir, c'est ça. Tu passes au niveau hard. Moi, je m'étais fait dire qu'à 7 ans, là, c'est fini. 7 ans, c'est fini? Ouais, 7 ans, c'est fini. Oh, okay. Les chances de prédire une braquette parfaite au basketball, braquette, c'est bien au basketball, sont de 1... Je sais pas. Oui, braquette, c'est aussi quoi? Sur tes jeans, je pense, une braquette. Non, ça, c'est une... Braguette. Donc, sont de 1 sur 9, et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes de 3 chiffres chaque. Donc, je sais pas si c'est plus qu'il y a des milliards, c'est des... millions de milliards. Donc, c'est d'avoir une braquette parfaite au basketball, une sur ces chances-là. Mais je sais même pas c'est quoi une braquette. C'est, t'as le Sweet 16, tout ça, faut que tu choisisses comme c'est des joueurs qui s'affrontent dans, pas des joueurs, des équipes, je pense, en tout cas, c'est comme des quarts de finale, demi-finale, finale, etc., puis ça va vers le milieu. Si on le voit, le graphique est comme en genre de pente de deux côtés. C'est des braquettes. Bon. Mais t'as-tu parlé de basket? J'ai parlé de basket parce qu'au basket, t'as le Sweet 16 d'équipe. Je connais mais pas les sports, moment trop. Il n'y a pas juste ça au basket. Non, mais c'est, on les nomine, il y a des seeds. Puis là, il y a des nominations qui vont vers le Sweet 16. Puis après ça, ils vont se diviser. Puis ça va donner 8, puis après ça va donner 4, ça va donner. Mais je connais pas assez ça pour expliquer plus que ça. Là, je me suis vraiment embarqué dans quelque chose que je connais pas. Puis je vais me faire dire tantôt que j'avais tort. Fait que, sois contente que je suis. Mais pas par moi, parce non. que je suis comme totalement perdu. C'est ça. Je vais arriver au bureau tantôt. Hey! Tu connais pas ça. Studio! Mais bon, en tout cas, tes chances sont pas très bonnes d'avoir une braquette parfaite. D'avoir une braguette parfaite, ça dépend où tu magasines. C'est ça. Ensuite, ça c'est vraiment cool. Tu connais l'émission de télévision française Fort Boyard? Fort Boyard. Tu connais ça? Ben, il n'y a pas juste français. C'est bien. Fort Boyard. On connaît tout ça. Il y a un jeu dans Fort Boyard où on doit traverser des lasers rouges. Mm-hmm. Okay? Un jeu pour les enfants qui va les distraire pendant plusieurs heures, c'est d'accrocher des ficelles dans la maison. Des ficelles rouges, de préférence. Hein? Entre les rampes, aux poignées de porte, au plafond, etc. Tu fais pas ça entre la toilette puis une autre salle, hein? Pas rien envie, puis tu peux pas passer. Hein? Peut-être pas, non. Donc, faire une grille de laser avec de la laine rouge entre les murs et les autres endroits, comme ça va être parfait pour faire une petite fête. Par exemple, mettons, vous avez une fête d'enfants, un petit party. Vous pouvez faire ça. Ouais, c'est cool, mais avec surveillance, s'il vous plaît. Avec surveillance, évidemment, il faut un juge aussi pour déterminer qui touche aux cordes, parce qu'il faut les mettre out en punition s'ils touchent une corde. Tu mets des cordes de guitare, comme ça sonne. Ah, c'est bon! Mais tu peux te couper la gorge puis mourir! ou des élastiques, peut-être, des élastiques très très longs qui feraient bon. Oui, puis là, ça lâche, tu le reçois dans la face. Encore, des histoires mortelles aujourd'hui, ça n'a pas l'air. Comment faire des barres de céréales maison? Ça, c'est une bonne idée, encore une fois, pour manger, mais ce ne sera pas des choses santé, je t'avertis tout de suite. Mélangez vos céréales préférées, Lucky Charms et autres, avec des mini guimauves, des minuscules marshmallows, dans un bol bien graissé. Hein? Déjà, là, tu as vraiment deux très bonnes affaires là-dedans, des guimauves et de la graisse. Tu passes au micro-ondes pendant 30 secondes, tu laisses durcir pendant 1 à 2 minutes. Ensuite, tu les moules en forme de barres. Oui, sais-tu comment qu'on appelle ça? Je sais pas, des carrés au Rice Krispies, mais avec d'autres céréales. What? Des carrés au Lucky Charms. Genre. C'est délicieux, ça. En plus que les Lucky Charms ont des guimauves déjà elles-mêmes, puis tu rajoutes des petites mini-guimauves. Peut-être que tu pourrais juste aussi prendre les guimauves des Lucky Charms. Non, je pense pas. Je pense pas qu'ils font de la même façon. Ah non, hein, c'est des grosses guimauves solides. Je sais pas si c'est fait de la même... D'après moi, elles sont pas... Fondant. Aussi fondant. Ben, ils vont sûrement fondasser, mais sûrement pas fondre. C'est pas la fondaison, la fondation. C'est ça. Fonditude. C'est ça. Tu veux que tes yeux, j'allais dire les yeux. Tu veux que tes yeux. C'est ça. Je l'ai dit quand j'allais faire une erreur. T'sais. Oui, c'est le fun. C'est encore mieux que de juste la faire. Donc, si tu veux faire sortir tes yeux, on dit de mettre... attends un peu. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire d'en faire sortir tes yeux? Les faire popper. Faire ressortir, genre. Ouais, c'est ça, les faire ressortir. Pour qu'ils sortent du paysage. Parce que sinon, c'est dégueulasse de faire sortir ses yeux. Il y en a qui font ça, qui font sortir du lait aussi par leur conduit. Ouais, ça m'écoeure. Ah, dégueulasse. Donc, on dit de mettre du eyeliner, de l'ombre à papier. Comment on appelle ça? Eyeliner? Du eyeliner. Du eyeliner. Tu prends du eyeliner et tu le mets sur le bas de ton œil, mais de couleur, de la même couleur que ta peau. Le eyeliner de couleur de ta peau. Okay. On se comprend, tu trouves ça? Ça va faire comme ressortir ton mascara, ça va faire ressortir tes yeux. Couleur peau sur le dessous de ton œil. C'est une bonne idée, hein? Ah. Ça a l'air bon. Je trouve ça a l'air cool. Je sais pas. Okay, en tout cas, c'est dit. Faites-en ce que vous voulez. La pancarte Baby on Board sur les voitures, on voit souvent bébé à bord. Et là, c'est selon Internet, évidemment, j'ai pas la source à part le lien que j'ai mis sur assemblagerequis.com. Mais la pancarte bébé à bord est pour alerter les ambulanciers, les paramédicaux, si jamais il y avait un accident, qu'il y a un bébé à bord et qu'il faut sauver le bébé en premier. Tu sais, moi, je me demandais tout le temps pourquoi est-ce qu'on affiche tout le temps baby on board. Tu sais, est-ce que quelqu'un va s'empêcher de te foncer dedans parce que t'as un bébé à bord, tu sais, que ça ne servait pas à grand-chose, mais si c'est pour les ambulanciers, là, ça a du sens. Mais oui, c'est comme dans les chambres d'enfants. Je sais pas s'il y avait ça ici, mais on avait une espèce de petit pompier. Je sais pas si c'est un animal, c'est un peu flou, mais il est habillé comme en pompier. Puis on mettait ça dans la chambre de l'enfant. Comme ça, les pompiers savaient dans quelle pièce ils devaient aller en premier parce qu'il y avait un enfant. Moi, j'avais ça dans ma chambre. Bonne idée. En tout cas, nous autres, on avait comme tout ça dans nos chambres. Une famille prudente, t'en vaut mieux que deux, tu Laura. Hein? C'est ça. Mais ton nom, c'est Steph, pas Laura. C'est un beau nom, Laura. Beer pong à la plage, maintenant. Beer pong, parfait pour la pause d'études. Peut-être, là, c'est déjà passé, mais peut-être la pause de cet été. Comment jouer à ça? C'est simple. La photo est vraiment très bien expliquée. Allez voir sur assemblagerequis.com. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a creusé un genre de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Le truc où il y a des crocodiles là, sur le bord d'un château, là. Une tranchée? Une tranchée. Je suis pas sûr. Je pense que c'est ça, une tranchée, Non, pas ça, c'est tranchée. Une trachéotomie, ça. Donc, une tranchée, ouais, c'est ça. Une tranchée, donc, c'est de faire une fente dans le sable autour d'un grand carré. Donc, dans le fond, sur la plage, t'as un grand rectangle et tu fais une tranchée tout le tour. Donc, tu enlèves le sable pour pouvoir te tenir debout dedans, OK? Et là, ça fait que t'as comme une table devant toi, si on veut, parce que c'est dans une le sable. Une table de sable? Une table de sable. C'est comme un grand château de sable dans un grand cube de vide, de pas de sable. Et là, tu joues au beer pong dessus. Dans ça, t'es comme dans le sable intégré. Je trouve ça cool. C'est sûr que c'est absolument dur à réaliser. Là. Je vois pas comment tu vas passer ta journée à faire une tranchée dans la plage. Je trouve ça très drôle que, pour paraphraser le mot trou, un cube de vide de pas de sable. Ça, c'est un trou. C'est très imagé dans la tête. Un cube de vide de pas de sable. On va le retenir, ça, là, je pense. Rappelle-t'en, s'il te plaît, oui, un gros cube de vide de pas de sable. Un truc pour la Pâques. La Pâques. La poke. On dit poke. La poke, comme sur Facebook, là. Je te poke. Ça veut dire que je te fais célébrer Pâques. Donc, c'est d'ajouter de plus en plus de... OK, là, on va l'expliquer correctement. C'est de mettre du colorant alimentaire au fond d'un verre ou d'un bol, OK? Et tu ajoutes de plus en plus d'eau avec l'œuf dedans. Donc, tu mets ton œuf dans ton verre qui a un petit peu de colorant alimentaire au fond du verre. Mm-hmm. Okay? Et tu rajoutes de l'eau à un intervalle, bon, plusieurs minutes de distance entre chaque. Et ce que ça va faire, c'est que l'œuf va évidemment prendre la couleur du colorant alimentaire qui est au fond du verre. Quand tu vas rajouter de l'eau, ça va être dilué, donc ça va prendre une couleur un petit peu plus pâle. Ah. Et ça va rajouter ensuite encore un petit peu plus pâle. Donc, tu vas faire des œufs qui ont multiples couleurs, plusieurs nuances de la même couleur, par exemple bleu, vert, jaune, mais de plus en plus dégradés, si on veut. Intéressant. C'est très joli pour Pâques. La Pâques. Ça, si vous êtes mal pris un jour, ça pourrait peut-être vous sauver la vie. Un homme qui était perdu dans le bois a coupé, et là je sais vraiment, vraiment pas comment il l'a fait, et s'il y a des risques de choc électrique ou quelque chose comme ça, d'après moi, ça aurait pu le tuer, je sais pas. Mais il a décidé de couper les lignes électriques pour que des travailleurs viennent le sauver dans le bois à l'endroit où la coupure a été faite. Je sais pas, celle-là. Mais non, mais c'est n'importe quoi, t'es perdu dans le bois, il n'y a pas de ligne électrique. T'as ben, juste, mais non, mais au pire, suis la ligne, puis à un moment donné, tu vas arriver à quelque part. Peut-être aussi, mais bon. C'est ça. Voyons donc. Ben ouais, j'étais pas sûr de celui-là. Moi non plus. Ensuite, est-ce que tu vois la prochaine recette? Ben pas la recette, là, mais parce que, encore une fois, mon image est beaucoup trop petite ici. Attention. Non. Je vais juste le sauter. C'est pas grave. Si t'as envie de chips et de trempettes... Mettez votre trempette dans une coupe de vin... Hein? Et mettez les chips dans un bol et mettez la coupe de vin dans le bol. Un peu comme les bols distributeurs de trempettes. À la place, t'as une coupe de vin au centre. Et évidemment, étant donné que la coupe de vin, la branche, comment on appelle, je pense, de la coupe. La tige. Je sais pas. Tu vois, j'étais dans l'horticulture au moins. J'étais proche. Donc, les chips vont pouvoir prendre plus de place que si tu mettais dans un verre où ils seraient au fond puis tu manquerais. Mais la coupe est plus élevée aussi, donc. C'est ça. Ça va être au-dessus des chips. Puis le verre, vous dites, t'en as dans le fond. Le bras se rend pas vraiment dans le fond. Mais là, la coupe, c'est une forme parfaite pour ça. Exactement. Quel davantage. Oui, j'adore ça. Ensuite de ça. Ah, tiens. Ah, ah, ah. Les images, finalement, je peux les ouvrir dans un autre onglet. Hein. Donc, prenons des croissants ou des biscuits Grands de Pillsbury. Tu sais, les biscuits qu'on voit à l'épicerie. On les achète pas, ceux-là, d'habitude. Les Grands, c'est comme des petits pains biscuits. Là. C'est rare. Moi, j'achète plus les croissants puis les. Des trucs comme ça. C'est des petites boules de pain, genre? Des petites boules de pain, mais ça ressemble à un biscuit très américain, là, comme on voit dans les films quand ils disent qu'ils vont manger un biscuit, puis c'est un pain, tu sais. Petit pain avec une sorte de fioriture dessus. Mais bref, c'est un petit pain. On s'en fout, c'est pas même grave. Donc, prenez ces petits pains-là, mettez un bloc de fromage littéralement à l'intérieur de ce bloc de pain-là. Un petit peu comme on ferait avec des saucisses emballées de pâte. Oui. Mais à la place, c'est de la pâte autour de morceaux de fromage. Et ça va faire du pain au fromage. Ça a l'air vraiment délicieux, je trouve, sur l'image. Je trouve encore qu'ils mettent beaucoup trop de fromage pour la quantité de pâte. C'est vrai, les Américains sont très, très ambitieux. Du genre ambitionnés sur le fromage. J'en mettrais un petit peu moins, moi aussi. Mais effectivement, ça doit être très bon. Ben oui. Tiens, tu veux savoir peut-être la différence entre un alligator et un crocodile? Tu sais, alligator, c'est pas le nombre de boss? Non. Ah, je me demande, ça, c'est dromadaire et chameau. C'est ça, puis l'hippopotame, lui, c'est quoi la différence avec. Non, je sais plus. Bref, les. Il n'y a rien d'apparenté à l'hippopotame. Rhinocéros, hippopotame, trop de syllabes. Mais comment, le rhinocéros, il y a des cornes. Des cornes. Pas des bois, là. Pas des bois. Hey, puis après ça, tu ris de moi quand je parle mal. Ouais, c'est ça. Bon, on se comprend. Donc, les alligators... Et là, l'image l'explique très drôlement. C'est une image avec un bébé qui se fait manger par un alligator et un crocodile. Donc, ça dit les alligators mangent les bébés avec une bouche en forme de A, alors que les crocodiles mangent les bébés avec une bouche en forme de C. Parce que l'alligator a une bouche très, très avec les angles droits. Donc, vraiment, ça fait un vrai triangle quand il mange un bébé, bref, si on veut. Alors que le crocodile a une bouche plus en C. Donc, le dessus et le dessous de sa bouche, sa mâchoire, et bon, c'est plus en forme courbée. Donc, c'est comme ça qu'on différencie un crocodile et un alligator. Oui, donc, si t'es en croiseur, c'est comme, mon Dieu, mais il faudrait vraiment qu'il mange quelque chose pour que je puisse déterminer ce que c'est. Il faudrait qu'il ouvre sa bouche. Hein? Voilà. On va arrêter là, on a assez fait des soucis d'assemblage pour aujourd'hui. On doit faire la bouffe de la semaine tantôt. Donc, allons-y, on va prendre une petite pause. On revient avec la bouffe et la malbouffe de la semaine. À Assemblage Requis, restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter? C'est fou, 89.1. La bouffe de la semaine. Une présentation de Stéphanie, la dictatrice en chef. 10-06, Néré-Beauchemin, UQTR. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, il y en a qui disent des fois que je suis un peu rapide, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui m'ont... La tartinade suprême? Oh! c'est la bouffe de la semaine avec Stéphanie Paradis où chaque semaine elle nous fait goûter quelque chose qui goûte bon, j'espère, plus que la semaine passée parce que le kaki c'est pas très bon. Non, mais j'ai fait de savoureux jeux de mots. Oui, c'est vrai. J'ai joué avec moi-même à faire une phrase avec kaki. T'as joué avec toi-même à un jeu. Oui. Bref. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous fais goûter, madame la prédatrice, dictatrice et illustratrice en chef? Je te l'ai dit, tu m'écoutais pas? Ouais, ben c'est ça, ouais, tu l'as dit, une tartinade, mais c'est quoi ça? Ça veut dire la quoi? Tartinade suprême. Ça me dit rien. Ben en fait, première question, Mathieu, est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre de la confiture et de la tartinade? Oh, bonne question. Confiture, moi ça me dit pectine, ça me dit vrai fruit, alors que tartinade, ça me dit que ça peut ne pas avoir de fruits. Ça se peut-tu? Ben en fait, là on parle de tartinade de fruits, là. Okay. Donc, dans l'étalage de ce qu'on dit confiture, t'as aussi des tartinades. Non, non, je ne connais pas. Mais c'est seulement la quantité de sucre. Ah, oh, oui. Mais le goût, honnêtement, moi, confiture, je veux, là, ça m'intéresse pas. Il y a beaucoup trop de sucre. Puis le goût avec les tartinades, je dirais semblable, même que ça goûte beaucoup plus les fruits. C'est quand même très sucré. Donc, déjà une très, très grande différence dans la quantité de sucre. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente une tartinade. Mm-hmm. Donc, c'est de la marque Crafters. Ah. Et c'est une tartinade suprême, rien de moins. Donc, c'est une tartinade biologique. Et on est habitué à des saveurs traditionnelles comme fraise, framboise. Plate. Fraise, framboise. Plate. Puis des fois, on peut y aller avec l'orange si on est un petit peu... c'est ça. Mais là, aujourd'hui, un petit coup de cœur, j'ai très hâte de goûter à ça. C'est une tartinade à la grenade. Oh, grenade et non pas pomme-grenade. Hein? Non, car c'est un anglicisme. Voilà. Je vois un ours sur le dessus du couvercle. Je sais pas si c'est représentatif de ben la saveur. Ah, oui. Oh, il y a un ours devant aussi. Mais oui, il y a un petit ours. Ça doit être le logo, j'imagine. Ben oui. Donc, oui. Le pot, il est très beau. Pour vrai, là, moi, je tripe sur le pot. Il est tout petit. Il est transparent. Hey, c'était vraiment pas cher. J'ai payé ça 3$. D'habitude, des trucs biologiques pour un pot de 235 ml. C'était 2,99. J'étais comme, waouh, c'est vraiment cool. Deal. Le couvercle est beau, mais c'était même pas spécial. Là. En plus, c'est juste son prix normal. C'est ça. Mais c'est un petit pot quand même. Ben, il y en a des plus chers que ça. Oui, oui. C'est biologique. Facilement, oui. C'est biologique, là. OK. Donc, j'aime beaucoup le couvercle. Il est épais. Oui. Il est rouge avec des petites rayures. Donc, c'est très... C'est comme à la fois vintage, mais avec une forme un peu plus moderne. Oui. L'ours est très, très beau. Hein? Ben oui. Il est réaliste. C'est pas comme les petits nounours craft, là, on s'entend. Non, c'est un ours qui pourrait être mangé, tu sais. Mais à la place, il préfère te donner des fruits. Ben oui, des grenades. Donc, c'est écrit à l'avant du pot que c'est seulement 30 calories par portion. Une portion, c'est 15 millilitres. Donc, une cuillère, son nom? Pas une cuillère, mais il y a différentes sortes de cuillères, là. Ouais, c'est ça. Je suis pas certaine. Je pense que c'est une cuillère à thé. Les petites, finalement. Ou une demi-cuillère à soupe. Je suis pas certaine, mais c'est dans ce coin-là. Mais d'habitude, c'est ce dont t'as besoin pour une toast. Ouais. Quand t'es pas trop à, genre, à faire les coins, il faut absolument qu'il y en ait dans chaque coin de ma toast. Ben oui, mon cuillère, je remplis ma toast. Ouais. Donc, ça dit réfrigérable ouverture et utilisé dans les 20 jours. Ah, 20 jours, c'est pas beaucoup, il me semble. Non, parce que pourquoi? Pas d'agent de conservation. Exactement. Ah, tant mieux, tant mieux. Donc, on aime ça, là. Il n'y a pas d'agent de conservation, donc c'est un peu comme si on l'avait fait maison. Donc, pas beaucoup de calories. Le sucre, on le sait, il y a quand même 8 grammes de sucre, là, c'est de la tartinade. Mais si tu comparais avec une confiture, je suis certaine que tu trouverais ça pas si pire que ça. Ouais. C'est pour ça que je vous présente ça. La tartinade versus la confiture, c'est quand même une bonne option. Aussi, ça peut être très bien la confiture si vous aimez manger du yogourt. On peut y aller avec un yogourt nature ou à la vanille. Et on peut sucrer notre yogourt avec un peu de confiture, un peu de tartinade. Ça fait comme les fruits au fond, sauf qu'à la place, t'en as partout. T'sais. C'est ça! Oui. Donc, si on regarde les ingrédients, c'est quand même intéressant. La liste n'est pas très longue. Donc, on a du jus de grenade biologique. On a du sucre de canne biologique équitable. Du jus de grenade biologique. Okay, l'eau, c'est fait de concentré, jus de grenade biologique, pectine de pomme naturelle et acide ascorbique qui est de la vitamine C. Je savais pas que tu peux avoir de la pectine de pomme, c'est cool. C'est cool. Mm-hmm. Aucune idée, moi je sais pas exactement comment c'est fait de la pectine. Non, c'est ça. Mais c'est de la pectine de pomme. Ça dit que c'est fait avec du sucre biologique de source respectueuse de l'éthique et de l'environnement, certifié éco-social par IBD. Donc ça, on trouve ça quand même intéressant. Est-ce que ça respecte les ours? T'sais? C'est pas marqué que ça respecte les ours? Ben, si ça respecte l'éthique et de l'environnement, d'après moi, ça respecte les ours. Sinon, il y aurait pas accepté de poser pour le pot. Ben non, c'est ça, exactement. c'est certifié biologique, sans gluten et haute concentration d'un choix de fruits variés. Ah. Je trouve ça quand même très drôle que ce soit... spécifié comme ça. Il y a aussi le site internet qui est indiqué dessus, donc craftersorganic.com. Moi, je dirais que ça ressemble à un mélange explosif. Ah, grenade. Grenade sur grenade. Mélange explosif. Ouais. Ben, c'est pas tant un mélange, là. C'est juste à la grenade. Mais mélange de petits fruits. Laisse donc faire. Donc, est-ce qu'on est prêt à l'ouvrir? Oui, est-ce qu'on approche le micro magique? Mais oui, le micro magique nous attend depuis le début de la semaine, depuis la semaine passée. Finalement, on s'en sert jamais, donc je baisse la trame. Et micro magique va faire son travail pour nous faire entendre l'ouverture de ce pot de Crafters. Moi, j'aime ça, des sons comme ça de pot. C'est vrai. Oh, j'ai eu un petit frisson. Et là, on sent évidemment avec les narines. J'ai l'impression que ça. Tu t'es forcé de pas dire narine. Hein? Ben ouais, c'est ça, les narines magiques. Ah, c'est une bonne idée, ça, j'aime ça aussi. Donc, ça donne quoi? Ben, j'ai l'impression que ça sent déjà le pain. Ok, même s'il n'y a pas de pain dans c'est le pot, ça, à ce qu'on ça. Sache. Là, écoute, on voit qu'elle est quand même plus liquide qu'une tartinade traditionnelle. T'sais, en bougeant le pot, ça suit le mouvement. C'est plus visqueux. Vraiment, t'as pas l'impression d'avoir un gros tout, un gros pain de... Non, c'est ça. Puis je pense pas qu'il y ait de morceaux de fruits. Ça a l'air d'être quand même homogène. Okay. Ça a été bien malaxé, tout ça. L'odeur est très, très légère. Okay. C'est pas agressant. Écoute, moi, de la confiture, je mange ça sur du pain. T'as amené quoi comme pain? Est-ce que c'est du pain classique? On dirait des petits morceaux de pain, mais je crois que tu l'as juste coupé avec un couteau. Hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai juste coupé la tranche de pain en deux, là. Puis le pain, on s'en fout. Ça n'a aucune importance. Pain blanc ici, dans ce... Ouais, ben, confiture sur pain brun, je suis pas nécessairement fan. J'avoue. Parce que ça gâche le goût de de la confiture. Elle tartine quand même bien, je trouve. Je le tartine avec une cuillère. Ouais, pas de problème du tout. Ça va vraiment bien. C'est vraiment visqueux, je trouve, comme mélange. En tout cas, d'apparence, de loin, ça a l'air très visqueux. Est-ce que t'en veux plus? T'en veux beaucoup? Ah, quand même, j'aime ça. J'aime ça. Mais je vais te beurrer ça, épais. OK, mais bon, c'est correct. Ben, c'est correct, là? T'en as mis un peu beaucoup, je trouve, mais bon. C'est pas grave. Attends un peu, gars, je vais en enlever. De toute façon, moi aussi, je vais en prendre une. Parfait. Ça m'a l'air parfait comme ça. Moi, je prenais ça comme ça. Dans le corridor propre. Comme on l'appelle, le corridor propre et l'endroit où c'était possible de faire des dégâts. Non, mais je pourrais... Ouais. OK. dans le corridor propre. Merci. Donc, ça se tartine très bien. Des fois, on a des confitures avec des morceaux de fruits. Puis là, ça s'étend mal. C'est pas... Donc, ça s'étend très bien. La couleur est belle. Oui. On voit, c'est un rouge très... je te dirais très profond. Je te dirais c'est rouge sang. Rouge sang, rouge diamant, j'aurais dit. Un genre de diamant Zelda style. Genre un vrai rouge profond, un rubis. Un rubis, oui, le mot que on sait qu'un diamant, c'est rouge, hein, Mathieu? C'est ce que je veux dire. Elle me comprend, mais il faut quand même qu'elle le dise. Mais elle a bien raison, pareil. Mais là, comment? Non, moi, j'y allais à l'odeur. J'espérais sentir un petit peu la confiture avant de le plier, mais l'odeur du pain vient trop piler par-dessus. L'odeur est très, très subtile, mais moi, écoute, je vais goûter à la confiture sans le pain avant. Bonne idée. Est-ce que tu nous fais ça? Dans le micro-magique? Dans le micro-magique. Je baisse la trame. Mais c'est vrai qu'on dirait du Jell-O, par contre. Quand on y pense, ça ressemble un petit peu à du Jell-O. Oh! La saveur est très intense. J'aime ça, c'est vraiment pas trop sucré. C'est juste fruité. J'ai plié ma tartine en deux, ma demi-tartine, et je vais aspirer, un peu comme on aspirait le dedans de Cherry Blossom, le dedans de ma tartinade. Oh, c'est bon. Oh, c'est spécial comme goût, la grenadine, hein? Parce c'est très intéressant, les grenades. À l'entrée, on dirait de la fraise ou tout ce qu'il y a de plus classique à la première fois que ça a contact avec la langue. Mm-hmm. C'est après ça, quand tu te liches les lèvres ou que tu avales, que ça participe, toutes tes papilles participent. Là, tu ressens la grenade comme dans le jus de grenade en canette, mettons. Je trouve que c'est vraiment le petit arrière-goût qui vient bien compléter l'ensemble. L'arrière-goût est intéressant. Et ce que j'aime, c'est que justement, c'est pas trop sucré. Je trouve qu'il y a une petite pointe d'acidité qui est vraiment très intéressante à la fin, qui fait très différent des autres tartinades. Tout à fait. Je sais pas, il y a comme un autre petit goût. Je sais pas qu'est-ce que j'ai goûté qui goûtait à la grenade et que j'ai associé à ça dans ma tête, mais on dirait que ça me rappelle une autre sorte de tartinade que j'ai goûté. Je sais pas si c'était le maple spread, un petit peu, on dirait le genre de sucre qu'il y a dans ça. Mais encore là, je parle vraiment à travers mon chapeau, je sais pas trop de quoi je parle. Mais le goût est particulier de la grenade, j'aime beaucoup ça. Oui, c'est vraiment très, très intéressant. Très peu de calories. Quand même pas si pire en sucre. On est, ben, si on est raisonnable sur la quantité de confiture. Mm-hmm. Ce que j'aime, c'est que aussi, par exemple, dans une confiture de framboise ou de fraise, t'as tout le temps des petites graines qui te restent coincées dans les dents, là, les petites graines de fruits. Mais dans la grenade, il n'y en a pas. C'est vraiment une tartinade lisse, toute homogène. Je pense que j'ai trouvé la saveur. Est-ce qu'il y a du miel dedans? Je crois que ça goûte le miel un peu. Mais c'est du sucre de canne qu'il y a dedans pour sucrer. Bon, voilà. Le sucre de canne, c'est ce que je cherchais. Je me demandais si c'était le miel. Ah, t'as déjà essayé d'autres choses avec du sucre de canne à l'intérieur? Moi, je crois que oui. Tu crois que? Mm-hmm. OK. Mm-hmm. Aussi, il y a quelque chose que j'aimerais essayer, c'est le sirop d'agave pour sucrer. J'en ai vu justement dans les trucs biologiques. Je me demande si le goût est différent et tout ça. Donc ça aussi, j'aimerais ça essayer parce que le Splenda, j'aime pas ça. Mm-hmm. J'ai pris le reste de ma bouchée, donc ça va être difficile de parler. Mais ouais, sucre en canne, dans les petits cornets, il y a ça dedans. Fait que... Pas du sucre en canne, du sucre de canne. Non, c'est du sucre de canne. Non, pas du sucre en canne. Du sucre en canne. Donc, très intéressant comme saveur. J'aime vraiment ça. Le pot, il est beau, c'est pas cher, c'est bon, c'est différent. C'est réussi, on aime ça. Donc, c'est la Crofters à la grenade avec un petit ours dessus en épicerie. Oui. N'importe quelle épicerie que t'as trouvé ça? Ben, j'ai pas fait toutes les épiceries pour faire le tour. Non, c'est pas dans un magasin spécialisé, mettons. Non, non, dans une épicerie commune à trois lettres. À trois. Bon. Donc voilà, j'aurais aimé prendre une pause musicale. Je crois qu'on est mieux de ne pas le faire pour pas trop dépasser. On se quitte trop au pire en musique. Donc, on va y aller tout de suite avec la deuxième partie de la chronique, c'est la malbouffe de la semaine. Non, la malbouffe de la semaine. Il y en a qui disent des fois que je suis un peu rapide, que je prends pas toujours bien de la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui mangent. De la pizza? Ouh! La pizza le matin, ouh! Mais voyons donc, qu'est-ce qui fait ça? Mais pas littéralement, c'est pas vraiment de la pizza que je vais manger aujourd'hui. En fait, qu'on va manger ensemble, que je t'ai trouvé. Et ça te surprendra pas parce qu'on l'a acheté chez Ball Barn ensemble. Donc la surprise est un petit peu gâchée. Mais la surprise va être là pour notre ami Danny Janvier. Mais oui! Notre inspiration pour la bouffe de la semaine et la malbouffe de la semaine, lui qui fait la bière de la semaine, le jeudi midi à Assemblage Requis, me talonne depuis un mois environ pour essayer chez Bulk Barn, parce qu'on a essayé beaucoup de produits de Bulk Barn depuis les dernières semaines. Il disait, essaie les bretzels à la pizza. Oh, tabarouette. T'es-tu sérieux? C'est ce que j'ai amené des en studio aujourd'hui. Des bretzels à la pizza? Incroyable, mais vrai. Par contre, j'ai pas été très, très prévoyant. J'ai pas été un bon chroniqueur. Contrairement à toi, Stéphanie, j'ai pas d'emballage à lire. J'ai oublié de prendre la photo des bretzels à la pizza au magasin hier. Ah, avec, par exemple, les instructions... comment les manger? Les informations nutritionnelles, c'est pas des instructions. Pas vraiment. Ouais, c'est ça, j'ai rien à vous dire. C'est pour ça que ce sera vraiment pas long. J'ai évidemment pas déballé encore le sac. Hein. Je l'avais déballé puis je l'ai remballé. Oui, je vais le faire dans le micro magique quand Stéphanie même. Stéphanie va pouvoir vous faire entendre ça parce que moi, juste enlever une attache poubelle, mettons que ça sonne mal de mon côté. Le micro magique a tellement tendance à prendre les sons, d'où son nom de micro magique. C'est vraiment, il n'y a pas grand suspense là-dedans. C'est une attache poubelle sur un sac de plastique. C'est très subtil comme ouverture. Mais je suis sûr que ce qui va être plus intéressant dans le micro magique, ça va être de goûter à nos bretzel magic. Faut se rappeler. Les bretzel magic? Magic. Faut se rappeler qu'en français, faut dire bretzel. En anglais, c'est pretzel. Donc faites attention à notre langue française, hein, s'il vous plaît. Oui, parce que sinon, en anglais, ça serait des pee-pee. Des pee-pee. Les bretzel pizza. Yes. Donc j'en prends un aussi dans ma main et toi, tu le fais dans le micro magique. On va manger ça. Attends un peu. Ouais, faut le décrire un petit peu avant. Mais oui. Je suis tout le temps pressé à manger, tu sais. Je peux pas m'en vouloir, je veux manger. Parce que là, on a quand même quelque chose de particulier, c'est pas des bretzels. Non, c'est des bûches. C'est en forme de bûche, mais pour vrai. Ouais, comme des petites bûches de Noël miniature. Des cylindres, on va se le dire, des cylindres. C'est la forme scientifique derrière ça. Effectivement. On voit les grains de sel qui sont très gros, très présents sur les bretzels, tu trouves pas? J'ai pas de grains de sel. Moi, j'en ai beaucoup, des gros grains de sel dessus. Peut-être que t'as pas pris le bon. L'intérieur est de la même couleur que l'extérieur. C'est un genre de beige. Mais on voit qu'il y a un stuff dedans, là. Oui, c'est garni, on pourrait dire. C'est ça. C'est pas littéralement le bretzel qui est à la pizza. C'est le stuff à l'intérieur qui va venir compléter le goût du bretzel. C'est ça. C'est exact. C'est ce que j'en pense aussi. Les grandeurs sont quand même bonnes. Je dirais que c'est peut-être un genre de... 1,5 cm de hauteur par peut-être 1 cm de largeur, les nos tubes ici. Non, ça c'est un bon 2-3 cm de hauteur. 2-3 cm, non, peut-être 2 cm max. 2 cm max. On va le mesurer. On va le mesurer, ok. Mais moi, je tape pas mal sur le 2. Ok, moi je dirais aussi 2. D'accord. Mais non, t'as dit 1, j'ai dit 1,5 tantôt. Mais c'est 2, hein, c'est minimum 2-3 là. Ah, en tout cas. La garniture donc à l'intérieur qui a pas l'air molle, ça a l'air d'être assez dur, donc on va voir si ça va mâcher dans la bouche tantôt. Uh-huh. Hein? Est-ce qu'on est prêt là à goûter? Ah, je suis prête. D'accord. Donc on baisse la trame et on va au micro magique pour entendre Stéphanie mâcher son bretzel à la pizza. Ok. Wow! C'est paisible à l'oreille. Je vais faire la même chose. Oh, c'est plus piquant un petit peu. Ça goûte le fromage et la sauce tomate. Donc, pizza très de base, ça goûte pas les champignons, puis les poivrons, puis les anchois, puis les ananas, puis le jambon. Ça goûte autant la pizza que genre une pizza pochette de base. Pas de luxe, t'sais. Mais on aime ça, les pizzas pochettes de base, pas de luxe. Il y avait aussi la version cheddar seulement, dans le rack juste à côté, chez Bulk Barn. T'avais donc les mêmes bretzels cheddar, donc pas de goût de, j'imagine, ça doit être des imitations de pepperoni qu'ils ont ajouté dedans. D'après moi. J'apprécie beaucoup le goût. C'est très, très bon comme collation. Ça doit vraiment pas être bon pour la santé. Évidemment, on a dit tantôt qu'on n'avait pas les renseignements sur les renseignements nutritionnels de ça. Est-ce qu'on veut vraiment le savoir, Mathieu? Non, c'est pour ça que je les ai pas pris, pour pouvoir toutes les manger. Le fromage à l'intérieur doit être super chimique. Mais il y a vraiment plein de sortes de bretzels très intéressantes au Bulk Barn. Il y en avait, je pense, moutarde au miel, les trucs comme ça. C'est super intéressant. Donc... pour redécouvrir le bretzel. Ça goûte le fromage qu'on retrouve dans les biscuits Cheese Whiz. Des Ritz au biscuit. Oui, bon. Exactement. On sait de quoi on parle, ça goûte ça, mais en plus, t'as un petit peu de tomate, je dirais, un petit peu. Oui, le goût pizza, quand même, là, on sent qu'il y a une différence avec seulement fromage et pizza. J'ai pas triché en tant que tel parce que notre règle à l'émission, à la chronique La Bouffe de la semaine, c'est de ne pas goûter à l'avance. J'ai absolument pas goûté. Mais Marie-Ève, qui co-animait le Mathieu Plante Show jusqu'à très récemment, a aussi goûté à ces biscuits-là et m'a dit que ça goûtait les Pringles à saveur de pizza. C'est apporter son commentaire là-dessus. Ah, j'ai jamais goûté les Pringles à saveur de pizza, mais ça peut être intéressant, effectivement. Tout à fait. Tout ce qui goûte à pizza a un goût caractéristiquement pizza, un petit peu comme les biscuits, pas les biscuits, les bonbons à saveur de fraise ont une saveur caractéristiquement fraise. Ici, c'est la saveur caractéristiquement pizza du fast-food. Je pourrais pas dire, je pense honnêtement que c'est la première fois que je goûte une grignotine à saveur de pizza autre que de la pizza normale. Mmh. Mais je trouverais quand même un petit défaut au Brésil, je trouve qu'il est pas assez salé. OK. Ah, est-ce que tu as essayé de prononcer salé à la façon trifluvienne? Je pense que oui. Hein? Ouais, je voulais pas que tu m'en parles. Parce que sinon, je t'aurais repris, puis tu m'aurais dit, je voulais pas que tu me reprennes. Fait que bon. Je pouvais pas gagner, vraiment. OK. Fait que je trouve qu'il y a quand même un petit défaut au Brésil. Je trouve qu'il est pas vraiment assez salé. Salé, voilà. Il est pas assez salé. Ça a l'air à ça. Donc, on va continuer de les goûter en rond. C'est juste charmant, Stéphanie. N'est pas honte. Ça a l'air charmant. Ah, voilà pour la bouffe et la malbouffe de la semaine. On fait ça les jeudis en fin d'émission pour clore la semaine en beauté. Et si vous aimez ce qu'on fait à la bouffe de la semaine et la malbouffe de la semaine, sachez que c'est pas mal juste une copie conforme de la bière de la semaine qu'anime Danny Janvier sur l'heure du midi les jeudis. Oui, avec qui a incorporé lui aussi le micro magique. Mais ça, c'est une création originale d'Assemblage Rocky, copyright 2014. Pour mais, une fois qu'on a quelque chose d'original. Pour une fois qu'on fait pas juste copie d'Ami. Comment? C'est appréciable tout ça. Et c'est fou. Le jeudi, c'est la meilleure journée. Facilement. Ah, ben oui. Ah, voilà. Nous, ben, on a terminé la bouffe de la semaine, ce qui veut dire qu'on doit terminer l'émission parce qu'on l'a dit, c'est ce qui termine l'émission. Donc, on ne ment pas du tout. Non, jamais. Ben rarement, en tout cas, rarement. Donc c'est tout, on va remercier évidemment François Landry qui a fait sa chronique Logocratie 101 tantôt. Je parle des mots quand j'essaie de faire deux choses en même temps. Tu l'as vu, c'est pas mon fort faire deux choses en même temps. C'est le seul qu'on a à remercier pour aujourd'hui. Sinon, lundi à l'émission, ben, notre petit lundi très très mollo. Comme toujours, on n'a pas vraiment de chroniqueur le lundi. Tout le monde nous a abandonné. Donc, on a seulement c'est un fait. Et Jean-Philippe Charbonneau va être là pour co-animer avec moi. Non, on a seulement ça. Ben seulement c'est un fait. C'est un et gros bloc. Jean-Philippe. Même. Jean-Philippe. Seulement le pauvre Jean-Philippe pris avec moi qui placote pendant deux heures parce qu'il n'y a personne d'autre. Plus tard, sur nos ondes, le dîner de con à 11h, on l'a dit avec Danny Janvier. Après ça, à 13h, c'est Mademoiselle Blues. À 15h, Stéphanie et moi sont de retour pour les Pommards assez fous. Bien sûr. Le top 40. À 18h, une édition spéciale d'un livre ouvert sur la table ronde sur le futur du livre. Ah oui, intéressant. Ce soir, 18h. À 19h, c'est 13e étage. Et à 21h, Radio Sonic. Dans quelques instants, les Belles et les Bêtes à 10h. Cif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Passe une très belle fin de semaine, Stéphanie Paradis. Mais toi aussi, Mathieu Plante. Merci, t'es trop fine. Ah, tu veux que je t'arrange ça? Ouais. Va chier, mon ah, oh, ben, Colin, on se quitte avec... C'est le mot de la fin. Ouais, c'est pas ben, ben fin comme mot de la fin, ça. Mais tu me dis que j'étais trop fine, là. J'essaie d'équilibrer. Mais le sois neutre. Comme mon chandail, gris et blanc, plate. Okay. Bonne fin de semaine. Non, okay. On se quitte avec Mange, l'ours, mange. Voici Nuit Blanche. Laissez l'ours de ton pot de crafters de tantôt. Ah! Bye. Je divise la scène pour être héroïque. Hier soir, c'était une fête, c'était tellement fantastique. Maintenant, pour être honnête, c'est dur pour le physique. J'ai toujours le problème, je ne veux jamais arrêter. C'est magnifique quand même, surtout pendant l'été. On a toujours des fêtes avec des invités. Ils ne pensent jamais arrêter, ils veulent toujours continuer. Après c'est tellement grave, les gens le regrettent. C'est comme les marécages, quand tu vas avancer. Tous les jours des fêtes, oui c'est excentrique. Je dis fatigué, c'était très amusant et les gens ils veulent rester. Ils n'aiment pas le potage, ils n'aiment pas le café. Ils ne pensent jamais arrêter, ils veulent toujours continuer. Après c'est tellement grave, les gens le regrettent. C'est comme les marécages, enfant tu vas avancer. Et moi j'ai pris ma tête dans mes mains et j'ai pensé. Pourquoi j'ai fait cette fête pour tous ces invités?